bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. On est tous ensemble. Parfait. On va parler d'astéroïdes ce soir pour ce nouveau mardi de l'espace organisé comme à chaque fois par le CNES. Et comme à chaque fois, c'est Xavier qui ouvre le bal. J'allais dire les hostilités, mais non, qui ouvre le bal. Alors, est-ce que vous connaissez l'album de Tintin, L'étoile mystérieuse ? Oui, je crois que forcément. Il y a un personnage Francis important. Francis Rocard dit oui, il le connaît. Un personnage très important, c'est Philippidus, le prophète. Ah oui ! Ça fait peur un peu. Les astéroïdes sont des petits corps extrêmement nombreux dans le système solaire. 70 000 d'entre eux se trouvent dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Leur composition est très diverse, de la roche, du carbone, de l'eau et puis du fer. Deux missions spatiales vont étudier cette année ces corps fossiles du système solaire. Personnellement, il y en a une qui a toujours tendance à m'angoisser. Espérons que Rocard et Barucci vont nous rassurer. Parce que Bennu, qui a l'air si doux. Bennu, hein ? C'est le nom d'un astéroïde. Ah ouais, Bennu, ouais. Cet astéroïde, au nom si candide, pourrait s'avérer redoutable. Et comme Philippidus dans Tintin, il va falloir jouer carte sur table, car du monde ce sera peut-être la fin. Espérons que non. Espérons que non. Bon. Eh ben, tu as tout à fait raison, Xavier. Effectivement, quand on parle d'astéroïdes, on pense souvent à ceux qui sont tombés sur Terre. Le corps, par exemple, qui a causé la disparition des dinosaures il y a 65-66 millions d'années, qui est tombé sur la région de Chicxulub. Et puis, il y a celui de Tcheliabinsk, c'était en 2013. Et on a tous en tête probablement ces images tout à fait incroyables de ce bolide qui traverse le ciel et puis qui cause des déflagrations et qui a causé pour 25 millions d'euros de dégâts. J'ai vu qu'hier, il y a un astéroïde qui est tombé sur la niche d'un chien. C'était au Costa Rica. Le chien n'était pas à l'intérieur, je vous rassure. Et donc, effectivement, les astéroïdes peuvent nous toucher. Et puis, nous aussi, on peut aller les toucher. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, actuellement avec l'émission Hayabusa 2, avec notamment le petit mascotte, on en parlera. Et puis, la mission Osiris Rex, qui sont actuellement actives. Le but, à chaque fois, c'est bien sûr d'augmenter nos connaissances, parce que certains de ces astéroïdes n'ont pas été modifiés depuis le début du système solaire, il y a plus de 4 milliards d'années. Et en allant les voir, en allant à leur rencontre, on a parfois d'énormes surprises, et vous allez le voir ce soir. Par exemple, la différence entre un astéroïde et une comète, finalement, aujourd'hui, est assez brouillée, et la frontière entre les deux n'est plus aussi évidente. On a des surprises concernant leur composition, leur forme, la nature de l'eau qu'ils contiennent, etc. Toucher les astéroïdes avant qu'ils ne nous touchent, c'est le sujet de ce soir. Et bien sûr, on va en parler avec vous. Je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci beaucoup de les saluer, s'il vous plaît. C'est Antonella Barucci et Francis Rocard. Antonella Barucci, Francis Rocard a la bouche pleine. Et je vous propose donc de nous dire qui vous êtes, de commencer la première pour nous dire qui vous êtes. Bonsoir à tous. Donc, je suis chercheuse à l'Observatoire de Paris. Et donc, je suis en France depuis 1989. Et depuis, je travaille sur les astéroïdes, qui sont des objets qui sont tout près du Soleil, celles qu'on appelle les Joe-Crusher, tout près de la Terre, jusqu'aux astéroïdes qui sont aux limites, dans les frontières de notre système solaire, qu'on appelle les objets transneptuniens. Donc tous ces objets sont classés comme astéroïdes parce qu'ils n'ont pas d'activité. Alors Antonella, on va en parler de ces objets. Surtout ce que vous faites, vous. D'accord. Qui êtes-vous, vous? Donc je suis astronome, des classes exceptionnelles à l'Observatoire de Paris. Et j'ai travaillé sur toutes les missions vers les petits corps. Donc depuis la mission Rosetta, J'ai défini la mission et proposé la mission à l'ESA en 89. Et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans de la mission Rosetta vers la comète 67-Churyumov-Gerasimenko. Et actuellement, je travaille sur les deux missions, donc la mission Hayabusa 2 de la JAXA, de l'agence spatiale japonaise, et la mission Osiris-Rex de la NASA, de l'agence spatiale américaine. Et je suis co-investigatrice européenne de ces deux missions. Et naturellement, je collabore avec toutes les possibles missions qui sont en projet dans le monde entier pour pousser des missions vers les astéroïdes. Et donc aussi avec les Chinois. Et on a aussi travaillé pour avoir une mission en Europe. Absolument. Donc voilà, vraiment, vous êtes Madame Astéroïde. Et alors, juste une chose, vous n'avez pas reçu une médaille de la NASA, une médaille d'argent ? Oui, l'année dernière, c'était une médaille de la NASA d'argent pour la contribution à la mission Osiris-Rex. Et cette médaille, c'est la deuxième plus grande honorification. La plus importante, la deuxième plus importante distinction que la NASA peut remettre. Remettre à les gens non governatifs de la NASA. Donc aux scientifiques en dehors de la NASA. De la NASA, qui ne sont pas de la NASA. Bon, bah, bravo, écoutez. Bravo, bravo. Francis Rocard, vous venez en voisin d'abord, parce que vous êtes juste à côté au CNES, et puis vous êtes familier des lieux aussi, et des mardis d'espace. Ah oui, les mardis d'espace, j'adore. je suis familier des lieux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours plein de monde, donc visiblement, vous êtes familier par les sujets qui nous passionnent, parce que derrière, il y a Marcello Fulchignoni, qui est le PI de Asie sur Huygens. C'était un PI italien. Mais il a eu le bon goût de venir en France, donc on a récupéré un PI pour nous. PI, c'est principal investigateur, le scientifique responsable. Et il y avait 6 instruments sur Huygens, et donc il était l'un des responsables d'un des instruments. C'est Atmospheric Structure Instrument, c'est ce qui mesurait pression, température, etc. sur Huygens. Alors qui êtes-vous, Francis Rocard, rappelez-nous. Alors je vais parler de moi. Moi, je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire au CNES. C'est-à-dire tout ce que c'est français, c'est scientifique, il y en a deux ici présents, puis il y en a peut-être d'autres dans la salle, quand ils veulent s'impliquer dans des missions américaines, japonaises, européennes, à un moment il faut définir un programme français pour, d'abord parce qu'il y a parfois du développement technique, donc il faut définir ce qu'on va faire, combien ça va coûter, combien de temps ça va durer, ça c'est ma fonction programme. Et ensuite, il y a un chef de projet sur Hayabusa 2, il s'appelle Aurélie Moussy, elle est à Toulouse. Elle a un background d'ingénieur, moi j'ai un background de planétologue, c'est ça les différentes fonctions. Mais on travaille en étroite collaboration sur la mission Hayabusa 2 qui a fait sa première collecte. Parce que ce qu'a pas dit Antonella, c'est que ce sont deux missions de retour d'échantillons. Hayabusa 2 et Osiris-Rex. Et Osiris-Rex, oui. On aime bien les échantillons. On adore. On aime bien. Voilà, ah oui, ça, on aime beaucoup. Alors dites donc, moi j'aimerais bien qu'on, puisque maintenant on a fait connaissance, qu'on parle peut-être justement de cette première mission, parce qu'elle est magnifique et puis elle est étonnante. C'est celle qu'on voit en couverture du petit livret que vous avez sur votre table. C'est Hayabusa 2. Est-ce que... allez-y, Antonella Barucci. Racontez-nous Hayabusa 2, donc mission de la JAXA, mission japonaise, qui se trouve actuellement autour de l'astéroïde Ryugu. La mission Hayabusa 2, c'est la première fois vers un astéroïde primitif. Donc pourquoi l'intérêt de ces astéroïdes primitifs ? Parce qu'on pense qu'il peut nous apporter des informations sur l'origine des formations du système solaire, mais aussi des formations de la vie sur Terre. Donc c'est là tout l'intérêt de cette matière primitive qui a formé notre système solaire. Donc la mission Hayabusa 2, c'était une mission un peu évoluée par rapport à la première, mais c'est assez simple. Mais les Japonais, ils ont mis plein d'instruments et des petits landers. Donc, il y a mascotte. Un lander, c'est un atterrisseur. Hein. Il ouais, est là. Un lander, c'est quelque c'était... chose qu'on lâche au sol et qui va aller faire des études in situ, sur place. Des études in situ, sur place. Donc, la mission, il y avait un petit atterrisseur appelé mascotte. Dans lequel on parlera beaucoup après, qu'il est là. Oui. On le voit effectivement on le voit sur l'image, c'est le petit cube. Il y avait aussi, donc c'était de la dimension d'une boîte de chaussures, hein, tout petit. Et c'est l'héritage de l'atterrisseur Philae sous la mission Rosetta. Mais il y avait aussi trois petits atterrisseurs qui s'appellent Minerva, qui sont tout petits comme un téléphone portable où il y avait encore des caméras et des autres instruments. Mais la mission, c'était aussi très compliqué parce qu'il y avait il y a eu des donc il y a les buts étaient de faire 3 samples sous différents sites de la trois surface. Samples, c'est-à-dire 3 échantillonnages. On veut récupérer des échantillons de sol à 3 endroits différents. À 3 endroits différents et en particulier avoir aussi une collision. Donc il y a un impacteur qui fait à peu près 2 kg qui était lancé les mois d'avril, début avril, sous la surface pour après revenir, former un cratère, donc avoir de la matière inaltérée de la surface. Donc on envoie, oui, on envoie un projectile pour soulever de la matière. Hein. Oui, et revenir au-dessus de la surface. Donc il y a eu déjà un premier sampling en février. Le sampling, c'est l'échantillonnage. Oui, j'appelle sampling, mais vous savez, c'est l'échantillonnage. On récupère des échantillons. Ouais. On récupère des échantillons. Et donc là, il y a eu, les mois d'avril, cet impact. Et on est en train d'essayer d'avoir un deuxième échantillonnage sous cet impact. Parce que comme vous savez, la surface de ces objets, il est dans l'espace. Donc il y a les rayonnements cosmiques qui altèrent aussi un petit peu la surface. Et pour avoir du matériel plus pristine, plus primitif, on essaie d'aller le plus profond possible. Mais on ne peut pas. Ces objets sont très petits et ils ont une gravité très faible. C'est pratiquement égal à 0 la gravité sous cet objet. Donc on ne peut pas se poser pour longtemps. On n'arrive pas à rester. Donc tous les mécanismes pour prendre des échantillons, ce sont des mécanismes qui doivent durer très, très court dans les temps. Et donc on ne peut pas perforer ou faire des technologies plus sophistiquées. Et donc là, c'est une mission vraiment très, très riche. Elle est en train de faire encore plein des observations et des données jusqu'au 2020, quand la sonde il va se détacher. La sonde spatiale, elle n'est pas en orbite. Hein. Elle n'est pas en orbite. Oui, elle est ce qu'on appelle en anglais « hovering », qui ça veut dire qu'ils suivent l'astéroïde. Donc l'astéroïde est là. La même trajectoire. Voilà, et la sonde, ils suivent dans la même trajectoire à une certaine distance. Donc la sonde, normalement, il est dans une position qui est appelée position maison, à la maison, à 20 km de distance. Donc là, c'est une position stable. Ils suivent toutes les observations de cette position. Mais en fonction de la science qu'on veut faire, ou des samplings, ou des échantillonnages, ou de toutes les autres techniques, ils s'approchent pour quelques temps très courts et ils reviennent. Donc là, il y a une semaine, qui a fait une tentative pour caractériser les sites de l'impact, mais il s'est mis en safe mode, qui ça veut dire en mode de sûreté. Voilà, en faisant des sûretés. Il y a eu un message pas bon. On se met en mode de sûreté quand il y a un problème à bord. Voilà, mais il semble qu'il ne soit rien de grave, donc il s'est remis dans sa position maison pour refaire des tentatives dans quelques jours. D'accord. Donc là, on n'a eu qu'un seul échantillonnage, c'est ça ? Pour l'instant, on n'a qu'un seul échantillonnage, mais le but, c'est d'avoir 3. Oui. Donc, on est arrivé au-dessus de la surface à une distance très faible. Hein. On était à quelle... La distance pour l'échantillonnage, c'est sous la surface. Il faut toucher. Donc, oui, c'est ça. Mais je veux dire, l'appareil lui-même... Oui, il y a un bras qui fait quelques mètres. Et donc, on s'approche distance du bras. Donc, on lance le projectile et puis on récupère les éjectats. Hein. Les éjectats. Et au total, c'est 1 gramme. Hein. 1 gramme. À la fin, on récupère un gramme. D'accord. Et on est content avec ça. Francis Rocard, je sens que vous brûlez de vous exprimer et nous parler peut-être de la page numéro 2 d'ailleurs. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de... Déjà, on peut comparer les méthodes de collecte entre Hayabusa 2 et Osiris Rex. Parce que ces deux missions font la même chose. Elles collectent des échantillons sur un objet inconnu au départ. Et la méthode japonaise, c'est la même qui a été utilisée pour la première mission... Hayabusa 1, ça consiste à avoir une grande trompe, on la voit sur l'image numéro 1, et cette grande trompe, à l'intérieur, vous avez un fusil. Un fusil à billes d'acier, et au moment où la trompe touche le sol, ça dure 1 seconde, le senseur de contact se déclenche et fait tirer le fusil. Et à ce moment-là, le fusil envoie une balle d'acier dans la trompe, ça crée un impact très violent, et par ricochet, les grains remontent. Enfin, du moins, on pense que les grains remontent. En tous les cas, on espère que les grains remontent. D'ailleurs, une simulation d'un autre scientifique, Patrick Michel, qui m'a envoyé un jour et il m'a dit « Regarde, j'ai fait une belle simulation. » Alors, j'ai regardé sa belle simulation. J'ai compté les grains qui ont remonté. J'ai dit « Il y en a 3 qui remontent. C'est pas beaucoup, ton truc. » Je dis, bah oui, c'est comme ça. C'est la technique japonaise. Alors, c'est une technique qui est, qui a pas bien marché sur Hayabusa 1, puisque le fusil n'a pas tiré. Donc, quand Hayabusa 1... Elle n'est pas d'accord. Non, le fusil n'a pas tiré. D'accord. Ah, d'accord. Ah, mais la sonde s'était mise aussi de travers. Oui, oui, ça, c'est autre chose. Non, d'accord. Hayabusa 1, on ne peut pas tout dire en même temps. Hayabusa 1 a eu un nombre de problèmes absolument incroyables. Ah oui, absolument incroyable. C'est, malheureusement, avec les Japonais, c'est souvent le cas. Ça arrive, pas parfait, c'est souvent un peu borderline. Mais pour être, dans le cas d'Hayabusa, ça s'est bien terminé. Hayabusa 1, ouais. Sauf que quand ils ont ouvert le conteneur... Parce qu'effectivement, il y a eu un retour d'échantillon. Hein, il y a eu un retour d'échantillon. Quand ils ont ouvert le conteneur, la première constatation, c'est qu'il n'y avait pas d'échantillon. Ah. Donc, ils étaient extrêmement préoccupés en se disant « Merde, ça n'a pas marché. Ah. » En plus, la bille d'acier... Enfin, je ne vous raconte pas les détails. Au moment où le fusil a tiré ou où il n'a pas tiré, la télémesure a été perdue. Donc, ils ne savaient pas si le fusil avait tiré. La télémesure, c'est avec communication avec la Terre. Voilà. Or, normalement, une télémesure, ça ne se perd pas. C'est-à-dire que si elle n'est pas transmise sur Terre, on l'a stockée à bord et on la retransmet une deuxième fois. Eux, ils l'ont perdue. Bon, c'est des petits détails qui montrent que ce n'est pas encore complètement tout parfait, leur système. Mais quand ils ont découpé le conteneur et qu'ils l'ont regardé au microscope électronique, ils ont dit « Tiens, là, il y a un échantillon. » Ah, quand même. « Tiens, là, il y en a un. » À la fin, il y avait peut-être 1000 grains de entre 10 et 100 microns. Je vous rappelle que 100 microns, c'est un dixième de millimètre. Ils en avaient 1000. Donc, je voulais faire le calcul, mais je ne l'ai pas fait. En masse, c'est un nanogramme. Oh, c'est même moins que ça. Peut-être micro ou nanogramme. Un micro-nanogramme, ouais, rien du tout. Le résultat, c'est que les scientifiques qui s'intéressent à ces grains ont demandé un grain. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir mais un grain? Mais avec un grain, déjà, on fait des choses. Il y a des scientifiques qui font des choses incroyables. Donc ça n'a pas été... Voilà, donc il y a eu un retour. Ça a été un énorme succès médiatique au Japon. Une grande fierté japonaise. D'où la décision. Parce qu'elle est revenue quand même. Et puis c'était miraculé parce qu'il y avait eu tellement de problèmes à bord. Et d'où la décision de faire Hayabusa 2. Parce que quand on a fait la 1 et que la 1, le 1 a bien marché. Parce que vu de l'extérieur, ça a bien marché, bien sûr. De l'extérieur, japonais. Vu de l'intérieur, c'était pas parfait. Mais ils ont fait Hayabusa 2 et on est en cours. Et donc il y a le même système de collecte qui a tiré une première bille, comme l'a dit Antonella. Et par ailleurs, ils ont fait ce cratère artificiel que vous voyez page 2. Page 2, le cratère artificiel. Donc, on le voit en haut à droite. C'est celui qui est entouré en vert. C'est un noir. Mais ce que vous voyez également, ce qui est assez parlant, c'est l'ombre du spacecraft sur Hayabusa. L'ombre de l'appareil, oui. Ce qui montre la tactique. C'est une tactique, hein. Il y a d'autres possibilités, mais ça, c'est la tactique japonaise. C'est ce que vient de dire Antonella, c'est-à-dire... On se met en orbite de parking à 20 km. On est fixe par rapport à l'astéroïde qui tourne devant vous. Donc, on peut le cartographier globalement. Et puis, quand on décide de s'en approcher, ben on descend. Et là, vous avez l'ombre parce que vous êtes toujours parfaitement antisolaire. C'est étudié pour. Antisolaire, c'est-à-dire qu'on a le soleil dans le dos. On a exactement le soleil dans le dos. Et l'effet un peu pervers de ce genre de situation qu'on a bien vu sur Rosetta, tu t'en souviens, Antonella, c'est que si on a le soleil parfaitement dans le dos... Il n'y a pas d'ombre à la surface. Donc les images ont l'air super lisses, mais c'est un effet artificiel. Et il vaut mieux, les gens comme Antonella qui travaillent sur les images, aiment bien avoir le soleil de biais, pour avoir les ombres, pour avoir des choses. Or, quand vous êtes les bords et sur l'image de gauche, on est parfaitement antisolaire. Alors le résultat, c'est qu'il y a eu un pseudo-cratère là, qui est marqué avec entièreté vert. Pseudo, parce qu'on ne peut pas dire que ça ressemble à un cratère, mais quand on... Il y a une dépression quand même, il y a une petite cuvette là, non ? Et il y a eu un déplacement d'objets, manifestement. Je précise que, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus, c'est pas un explosif, parce que l'explosif aurait cochonné la surface. Le principe, c'est de larguer ce qu'ils appellent un SCI, ça veut dire Spacecraft Camera... Impactor, non ? Impactor. Et le principe, c'est qu'il descend. Et à un moment, il y a une charge explosive qui le fait exploser, donc. Et il y a un morceau de 2 kg qui fonce à 2 km par seconde, qui va impacter et qui a créé le cratère. Donc il y a de l'explosif, mais il n'est pas à bord du projectile. L'explosif est resté à distance et on n'a pas pollué la surface, puisque c'est un morceau de métal bien propre qui a impacté. Et si vous regardez la photo de droite, l'insert... La photo de droite, c'est page 3. Page 3, l'insert, c'est la visibilité de l'impact. Ce qu'on voit à droite, ce que vous appelez l'insert, c'est l'espèce de deux images qui sont à droite, là. Et en fait, qu'est-ce qu'ont fait les Japonais ? Ils ont fait un truc assez génial. Pour qu'on se comprenne bien de quoi il s'agit, là. Je vais le dire. Oui, vas-y. Donc, voilà, je vais le dire, ça va être encore plus simple. En fait, ils avaient très peur de cette phase et ils ont largué une caméra mobile. Dans la miniaturisation, les Japonais, ils sont très forts. Donc, ils ont largué un tout petit objet qui était essentiellement une caméra. Et le main spacecraft, c'est-à-dire Hayabusa lui-même, s'est caché derrière l'astéroïde parce qu'ils avaient très peur de l'explosion et ils ne voulaient pas recevoir des débris. Et cette caméra a pris cette photo extraordinaire que vous voyez. C'est l'impact et les éjectats lors de l'impact vu au limbe, c'est-à-dire le bord de l'astéroïde, ce qui prouve que l'impact a bien eu lieu. Donc en haut à droite, ce qu'on voit, c'est vraiment le bord de l'astéroïde, c'est vraiment l'horizon. Ouais, et on voit un léger, quelque chose, oui, qui, bien sûr, qui est agrandi en dessous, mais on voit un léger, je ne sais pas comment dire, on voit l'éjecta, effectivement. Le nuage de débris. Qui est agrandi en dessous. Là, c'est l'endroit, c'est le moment qui a été pris en image où, effectivement, le projectile a touché le sol. Voilà. Et la caméra n'était pas payée par la JAXA, c'était payée... Non, la caméra qui était livrée comme ça était payée par des amateurs, du public qui a voulu contribuer à la mission. Et quand Francis elle disait, bon, les Japonais ils peuvent faire aussi des erreurs, il faut dire que cette mission, ça ne coûte pas cher du tout. C'était des missions qui coûtent 200 millions. C'est par rapport aux missions de la NASA ou de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, sont des missions vraiment pas chères. Et si vous regardez, il y a vraiment une quantité d'informations, des données, des technologies miniaturisées que les Japonais arrivent à faire. C'est vraiment incroyable. Alors, Antonella dit ça pour une bonne raison. Parce qu'elle ne l'a pas dit, mais je vais le dire à sa place. C'est qu'elle a proposé à l'Agence spatiale européenne Marco Polo 1, 2 et 3, qui était une mission de retour d'échantillon d'astéroïdes. Qu'on voit aux dernières pages, nous dit Antonella. Et malheureusement, elle n'a jamais réussi. Parce qu'à chaque fois, ça n'a jamais été sélectionné. Hein. Voilà. Parce qu'à chaque fois, l'ESA disait c'est trop cher. Et donc, les Japonais arrivent à faire des choses pas chères, mais l'ESA n'y arrive pas. Et l'une des raisons, c'est qu'il faut opérer la sonde pendant presque 7-8 ans, le temps d'y aller, le temps de faire les mesures, le temps de revenir. Et les coûts d'opération font que la facture, à la fin, est trop importante. Ils sont très importants aussi pour les CNES, hein, parce que maintenant, il y a aussi les coûts du CNES qui s'additionnent. Hein, Francis ? Vous avez compris que Francis Rocard est le grand argentier, là. Hein, c'est lui qui tient les cordons de la bourse du CNES. Il tient le porte-monnaie du CNES. Hein. Voilà, il tient le porte-monnaie du CNES. Non, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Non, mais normalement, il y a les CNES qui fait l'accompagnement aussi dans les opérations de toutes les missions. Dès qu'il y a des instruments de technologie européenne, ou française surtout, les CNES accompagnent toutes les opérations. Financièrement. Oui, et aussi d'un point de vue d'opération à Toulouse. Hein. Bien sûr. Pas forcément, ça je ne sais pas. Ouais, mais par contre, nous, on n'avait aucun problème. Pour ça, on n'avait aucun problème. Non, mais je sais bien. Prêt à aller sur Marco Polo. Ah oui, on était prêt à y aller. Oui, non, mais c'était une mission qui a été étudiée pendant 10 ans. Alors, on regarde une seconde. On la regarde, c'est en dernière page. Oui, c'est en dernière page. Je l'avais gardé pour éventuellement en parler à la fin, mais ça n'a aucune importance. On peut en parler maintenant. Donc, c'est page 16, Marco Polo. Et ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu sur la couverture. Et c'est une mission qui était lancée en 2000, plus ou moins. On a commencé à étudier en 2005. Et l'étudier pendant 10 ans, entre 2005 et jusqu'à 2004 jusqu'à 2013, quelque chose comme ça. Et on a eu au moins 6 études industrielles. Donc on était vraiment arrivé à un niveau très très... Et chaque fois, on arrivait jusqu'aux limites de la sélection, en compétition avec une autre mission beaucoup plus facile. Et donc Vous êtes arrivé en finale. On est arrivé en finale pendant deux fois. À deux fois. Oui. Et l'autre mission plus simple, que c'était juste qu'on mette un télescope en orbite autour de la Terre, a gagné parce que c'était une mission plus simple. Ah ouais. Mais en réalité, et donc la critique, c'était les coûts. Mais en réalité, la JAXA et la NASA, ils ont fait des missions équivalentes à des coûts beaucoup plus bas dès l'Europe. Donc ça prouve aussi comme l'Agence spatiale européenne en Europe, l'effet qu'on a 25 pays et c'est compliqué et les choses, ça coûte plus cher. Et donc nous, on était avant la JAXA, avant la NASA, et on voulait collaborer. Tu vois, la première mission, c'était en collaboration avec les Japonais qui après, vu que l'ESA ne suivait pas, ils ont décidé de lancer la mission Hayabusa 2 et donc on s'est séparés et ils ont lancé la mission Hayabusa 2. Donc vous avez abandonné maintenant, vous ne proposez plus Marco Polo ? Mais non, parce que maintenant tous les programmes de l'ESA sont bloqués jusqu'au 2040, plus ou moins. Donc, Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Donc, vous ne travaillez pas avec l'Europe, puisque l'Europe n'a pas de mission vers les astéroïdes. Néanmoins, vous travaillez avec la NASA sur... Hayabusa 2. Non, ça, c'est la JAXA. Avec Hayabusa 2, avec la NASA sur Osiris Rex. Et aussi, vous avez un projet avec la Chine. Donc, vous voyez, vous êtes ouais, avec... Ouais. Okay. Mais après, on travaille aussi sur des missions de l'Agence spatiale européenne, comme Bepi Colombo sur Mercure. Voilà, Bepi Colombo, c'est sur Mercure. Missions. Voilà, c'est ça. Alors, avant de passer le micro à la salle, j'aimerais bien, l'un et l'autre, que vous me parliez un petit peu des astéroïdes, justement, et notamment de ce que c'est qu'un astéroïde, comment ils se sont formés, où est-ce qu'on les trouve. D'accord. Donc, les astéroïdes alors, sont... Parce que vu de loin, moi, ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il y avait deux grands types. Le type C, qu'on appelle le type carboné, hein, qui représente environ 75%, je crois, de ceux de la ceinture d'astéroïdes. Et puis les types S qui représentent 17%. Donc à eux deux, c'est quand même 93%. Type C, type S. Donc ça n'a pas l'air très varié, finalement, ces astéroïdes. Et finalement, on se rend compte en allant les voir qu'ils sont d'une variété extraordinaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont les astéroïdes ? Ce sont des petits objets du système solaire. Donc des quelques mètres jusqu'à 1000 kilomètres. Cérès, qui est l'objet le plus grand, qui est classé en Cérès, qui est devenu maintenant un planète naine. Donc il y a toute une partie d'objets que l'Union astronomique internationale a déclassé des petits astéroïdes à planète naine, comme Pluton. Voilà. Voilà, Cérès, il y a la photo d'un des pages. Et donc, ce sont des petits objets qui sont des objets qui sont la majorité entre Mars et Jupiter. Et ils ne sont pas arrivés à former une planète. Donc, ce sont les débris, ce sont les planétésimaux appelés en jargon scientifique, qui ne sont pas arrivés à former les planétoïdes, les planètes. Donc, entre Mars et Jupiter, on a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Et donc, c'est vraiment une ceinture, hein, ça fait le tour du système solaire. Et cette ceinture d'objets... il s'est formé comme toutes les autres planètes par agrégation des poussières et des gaz. Donc il y a eu la nébuleuse protosolaire, il y a eu les soleils en formation. C'était il y a 4,5 milliards d'années. Il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Et donc cette matière formée des gaz et poussières, il a commencé à s'accréter. Mais s'accréter, ça veut dire s'agréger. Hein. Agréger ensemble. Et donc il y a eu des objets comme Mars et Jupiter, beaucoup plus grands, qui ont empêché la formation d'une planète. Donc là où aujourd'hui il y a la ceinture astéroïdale, ils sont restés les débris des formations des planètes. Ça veut dire que quand même, attendez, parce que cette ceinture elle est entre Mars et Jupiter, est-ce que vous êtes en train de nous dire c'est que tous ces débris qui se trouvent là dans cette ceinture d'astéroïdes auraient pu s'agréger et constituer une planète, mais la présence de Mars et de Jupiter à cause de leur influence gravitationnelle a empêché cette accrétion. D'accord. Et donc ils sont restés ce qu'on appelle les petits corps du système solaire. Mais en réalité, il y a aussi une autre ceinture, c'est celle qu'on appelle les objets transneptuniens, qui sont au-delà de Neptune, où maintenant aussi Pluton y fait partie. Et ces objets aussi sont classés comme astéroïdes. Neptune, c'est... là, on est beaucoup plus loin dans le système solaire. Hein. C'est la dernière planète du système solaire. Dernière planète. Oui, bien sûr. Enfin... Quand on a étudié, c'était la dernière planète. Aujourd'hui, il fait partie Pluton. Je parlais de Neptune, là. Ah oui, Neptune, c'est la dernière planète. Donc, avant, on avait aussi Pluton, la 9e planète, qui aujourd'hui était déclassée comme planète naine. Il fait partie des objets transneptuniens. Donc, les objets transneptuniens sont aux limites de notre système solaire, à 50 unités astronomiques au-delà de Neptune, vraiment dans les frontières de notre système solaire. Et on connaît toute une population... Ils sont classés comme astéroïdes. Pourquoi ? Quelle est la différence entre un astéroïde et une comète ? L'astéroïde est tout objet petit qui n'a pas d'activité, de chevelure, d'activité cométaire. Donc, dès qu'un objet est observé, découvert, il n'y a pas d'activité, on les classe comme astéroïdes. L'activité, c'est ce que vous appelez la chevelure. Hein. Oui. On voit ça avec les comètes, évidemment, quand elles passent près du Soleil. C'est qu'on voit une espèce de traînée à leur côté. Et dès qu'on ne la voit pas, on les classe comme astéroïdes. Donc, tous ces objets transneptuniens, même s'ils sont formés de glace, s'ils sont loin dans un lieu très, très froid, hein, c'est hyper froid, il fait 30 Kelvin, c'est vraiment très froid, mais... ils ont, on ne montre pas inactivité parce qu'ils sont loin du Soleil et donc sont classés astéroïdes. Donc, je vous donne juste une définition. Je vais juste reprendre. Donc on a effectivement cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et au-delà, quand on va beaucoup plus loin, donc au-delà de Neptune, la dernière planète du système solaire, on a donc ces objets transneptuniens, donc beaucoup de petits de corps. Vous dites qu'ils sont de glace. Donc si on les mettait près du Soleil, eh bien, ils auraient une activité, ce serait des comètes. Près du Soleil, ils deviennent actifs et ils s'appellent les comètes. Et donc, il y a aussi des objets. Des objets, jusqu'à l'ISTA. Des objets qui est de la ceinture transneptunien, ils rentrent dans le système solaire et ils deviennent une comète. Et après, on a aussi celle qu'on appelle la nuage d'or, encore plus lointain. Le nuage de Oort. Voilà. C'est encore plus loin. Encore plus loin, mais on n'arrive pas à observer. On a seulement des comètes qui viennent de cette nuage, donc avec des orbites qui sont beaucoup plus elliptiques. Hein. Normalement, ils ont des orbites beaucoup plus elliptiques. Et pour terminer, avant de donner la parole à Francis, il y a tout celles qu'on appelle les astéroïdes Geo-Crozer, qui sont tout près de la Terre. Donc les astéroïdes Geo-Crozer sont les astéroïdes qui viennent de la ceinture principale. Dans cette population, sont les objets qui sont en orbite autour de la Terre très très proche. On a des millions aussi de ces objets. Et ces objets-là, ils ont des orbites qui ne sont pas très stables. Donc ça dure quelques millions d'années. Et entre cet objet, il y a aussi des comètes qu'on appelle des comètes morts ou des comètes dormants. Hein? Donc là, on rentrera encore plus dans les détails entre la différence entre astéroïdes et comètes. Et je passe la parole à Francis qui, là, il veut dire quelque chose. Ah, moi, je suis perdu, Francis, la différence entre astéroïdes et comètes, parce qu'on me dit que finalement, il y a des corps glacés lointains qui ne sont pas actifs. Mais si on les mettait près du Soleil, ils seraient actifs. Donc on les appellerait des comètes et plus des astéroïdes. Alors, c'est vrai que la frontière entre astéroïdes et comètes, je dirais, il y a une zone de superposition. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Notre pianiste adoré a dit 800 000 astéroïdes. C'est vrai. Bon, il a dit une autre bêtise, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas 70 000 astéroïdes dans la ceinture principale, il y en a 90%. Donc, ça veut dire 90% de 800 000, faites le calcul, on doit être à 700 000 et quelques. 90% des astéroïdes se trouvent dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Ceux qu'on a découverts. Oui. Je parle de ceux qu'on a découverts, et on en découvre tous les jours. Ces astéroïdes ont des orbites relativement calmes. Qu'est-ce que c'est qu'une orbite calme ? C'est une orbite qui est presque un cercle. Voilà. Autour du Soleil. Autour du Soleil. Les comètes. Depuis que le monde est monde, j'inclus la comète de Halley des Rois Mages, hein, on n'a pas atteint 4000 comètes. On n'en a pas 4000 dans nos registres. 4000 par rapport à 800 000. Donc déjà, ça fixe un peu les données. Et toutes les orbites des comètes sont extrêmement elliptiques. Elles sont des orbites très excitées. Très allongées. Très allongées. Et d'ailleurs, une comète qui est visible est une comète qui meurt devant nous. C'est-à-dire que cette comète, à l'échelle astronomique, elle va mourir dans très peu de temps. Mourir de quelle manière ? Mourir d'épuisement, de perte de volatile. Oui. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ça devient une comète dormante. Elle se sublime et perd tous ses volatiles. Les volatiles, qu'est-ce que c'est un volatile ? C'est tout ce qui veut bien se volatiliser à une température de 0 degré et un peu plus. Et c'est essentiellement de l'eau, mais pas que de l'eau, mais majoritairement de l'eau. 90% d'eau et tout le reste derrière. On a liste des molécules qu'on a est de, je sais pas, 50, 60 molécules. Tout ce qui dit Francis, c'est vrai, mais c'est aussi une vieille vision des choses. Oh non, là on coupe là. Il y a Xavier qui est en train de préparer une petite chanson là. Non, mais c'était volontaire de sa part. Hein. Ah, ouais. Il présentait la vision classique pour montrer dans un deuxième temps comment tout ça a été changé et modifié. Je continue. Oui, parce que tout ça c'est vrai. C'est vrai dans la majorité des cas. Mais maintenant, même les orbites des comètes, on peut avoir des orbites cométaires avec des orbites circulaires. Et en réalité, on a découvert des comètes dans la ceinture d'astéroïdes et on l'appelle les comètes de la Main Belt. Alors là, on peut revenir à quelle est la différence entre un astéroïde et une comète. Toujours dans l'ancienne vision des définitions, la comète est formée de glace, l'astéroïde est formé de roches. Voilà, donc, c'est ce qu'on disait. C'était clair. C'est simple. Simple. Et comme la comète, il y avait la glace, une fois qu'il s'approchait au Soleil, il y avait l'activité. Très clair. Maintenant, avec les nouvelles découvertes, qu'est-ce qu'on voit ? La comète 67P, Churyumov-Gerasimenko, visitée par la sonde Rosetta. Européenne. Européenne, de l'Agence spatiale européenne. En la regardant, et vous avez la photo ici quelque part. Ah non, ah oui. C'est... Oui, oui, oui, il y a une photo. Oui, elle est toute petite, la photo. Hein. Mais on voit de loin, c'est comme un astéroïde. On voit un objet très sombre, sans activité, et on pourrait dire, bah, c'est un astéroïde, c'est pas une comète. Et en réalité, en observant cet objet, on ne voyait pas que c'était une comète, on ne voyait pas la glace. En regardant avec les instruments pour détecter les compositions, on ne voyait pas la glace. La glace était cachée et seulement localisante à certains points. Naturellement, la glace était à l'intérieur et on voit que la comète était très proche au Soleil et montrait son activité. Mais apparemment, quand la comète était beaucoup plus lointain, avec les instruments de détection, oui, oui, il y a une petite image jusqu'au, en comparaison, je pense, là, avec Ultima Thule. Page 6. Page 6. Voilà, il y a la petite comète que vous voyez là. Ah oui, non. Avec l'astéroïde Ultima Thule. En bas, non, non, alors, y a en bas, il y a la comète. Oui, alors, il y a effectivement. Donc, il y a la page 8 oui, et là. Aussi page 6, mais page 8, c'est plus clair. Oui, donc, la surface de cette comète 67P, Churyumov-Gerasimenko, était noire, finalement. Oui, et ouais. Donc, tous les théoriciens, tous les modélisateurs, ils disaient, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, parce que ça allait contre aussi beaucoup de modèles faits jusqu'à maintenant, mais on voyait, c'était les données et tout. Donc, on a eu beaucoup de surprises avec cette comète. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle est là, aussi la différence ? Qu'il y a beaucoup de comètes dans la main belt, on voit l'activité. La main belt, c'est la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes. Et donc, même Cérès, que c'était les plus grands astéroïdes, on a vu la glace et on a vu l'activité. On voyait un petit peu d'activité qui sortait aux lambes de l'astéroïde. Alors, au début, là aussi, on disait, c'est pas possible, c'est trop proche du Soleil, la glace est pas stable, on voit pas, on vous a trompé, c'est pas vrai. Non, la glace était là, on l'a vu. Donc, il y avait la glace. Il y a des autres objets dans la ceinture d'astéroïdes où aussi, on voit la glace, on voit l'activité. Il y a aussi des autres astéroïdes un peu plus loin, dans des autres familles, comme Thémis et Cybélé, on voit la glace. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Grande découverte du siècle. Avec la mission OSIRIS-REx de la NASA, on a détecté une activité des particules qui sortent de la surface. D'un astéroïde ? De l'astéroïde, Bennu. Donc, si vous allez regarder, je pense qu'il y a l'image aussi de cet astéroïde. C'est page 5. Là, c'est page 5. Donc, on voit la surface de l'astéroïde Bennu. Donc c'est l'astéroïde qui est actuellement visité par OSIRIS-REx. Et on voit en bas à droite, des particules. En vert, on voit des particules qui ont été soulignées en vert. On voit la trajectoire des particules. Oui. Et donc là, on a eu plein de discussions. Est-ce que ces particules, c'est de la matière, des roches qui sautent ? Mais on a regardé, il n'y avait pas de collision. Et il y avait surtout dans des endroits très différents. Donc la probabilité de collision est très petite. Et qu'il s'était encore actif comme ça, à différentes distances de la surface, c'est inexplicable. Donc on essayait vraiment de trouver plein d'explications. Mais à la fin, on pense qu'une des seules explications possibles soit le réchauffement solaire qui fragmente, qui fracture la surface en quelque façon. Et comme cet objet est formé de ce qu'on appelle les chondrites carbonées, où on voit la bande de l'altération aqueuse, donc ça veut dire que l'eau était là à l'état liquide dans le passé, il n'y a pas l'eau aujourd'hui, ni on voit la glace aujourd'hui, c'est clair. Mais cette composante, une fois qu'on la réchauffe à température très élevée et proche du soleil, il peut émettre des matériaux qui sont comme des volatiles, et donc ça devient... On ne peut pas dire c'est une comète. Pour l'instant, on l'appelle un astéroïde actif. Mais... un astéroïde actif, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, au long de, au final, après cette conversation, cette discussion, c'est que même les astéroïdes ont parfois une certaine activité, finalement. Ah. Moi, je voulais juste revenir sur cette histoire de grains. Ah. Un scientifique m'a expliqué une technique japonaise, mais je crains que ce monsieur devant l'éternel grand collectionneur de grains, étant si excité de pouvoir récupérer à peine 3 grains, à mon avis, il a tout simplement ce qu'on appelle un grain. Ah, ça, c'est sûr. Merci. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez tout compris ce qu'a dit Antonella, mais je voudrais quand même préciser une chose. Encore une fois, entre astéroïdes et comètes, il y a des différences très importantes, notamment la quantité d'eau. Les comètes sont des objets qui, pour autant qu'on arrive à mesurer leur composition, ce qui est assez complexe, mais je pense que je ne serais pas très faux en disant que c'est un tiers de roche, un tiers de matière organique, un tiers de glace au pluriel. Matière organique, c'est de la matière carbonée. C'est de la matière carbonée. C'est ce que Rosetta a raté. Je le rappelle. Philae aurait dû forer pour mesurer la composition de cette matière organique dont on pense qu'elle est très polymérisée. Cosima, l'instrument, je passe les détails, a montré qu'on n'arrachait pas grand-chose en spectrométrie de masse. Là-dessus, on a un petit trou dans la raquette. Donc de l'eau, des roches, du carbone pour les comètes. Voilà, un tiers, mais bon, avec des variations. Hein, c'est pas, mais au gros doigt mouillé, c'est à peu près ça. Quand on parle d'astéroïdes hydratés, au mieux, c'est 5% d'eau, en gros. Hein? Tu es d'accord? Bon, elle a dit oui. Non, mais voilà, c'est-à-dire que la quantité d'eau n'est pas du tout la même. Et alors les types S, EPS, c'est stone, et stone, c'est caillou. Donc il y a des astéroïdes de type S. S sont c'est des cailloux. Ouais. Donc c'est ceux qui ont ni carbone ni eau, en gros. Et après, vous avez une variété considérable d'astéroïdes. Mais essentiellement, ce sont des objets relativement peu hydratés. Certains le sont un peu, mais relativement peu. Et certains sont un peu carbonés. Et quand on parle de carbone, c'est 3% de carbone. Donc c'est pas... le reste, c'est beaucoup du caillou. Hein. Et d'ailleurs, quand vous regardez la photo page... j'ai pas mes yeux. Page 5. Page 5. Où on voit l'activité de Bennu. De Bennu. Alors l'activité de Bennu, c'est pas une activité de type cométaire, encore une fois, hein, oui. Il faut pas se tromper. C'est peut-être une activité strictement collisionnelle au sens avalanche, c'est-à-dire qu'il y a des avalanches. Pourquoi ? Alors prenons la photo page 4. Ce qui est étonnant dans la photo page 4, c'est que Bennu et Ryugu sont tous les deux top chef. Alors... qu'est-ce que ça veut dire top Ryugu, chef ? Ryugu, c'est à gauche. Il est en ce moment visité par Hayabusa 2. Et à droite, c'est Bennu qui, lui, est visité par Osiris Rex. Ils ont d'ailleurs une forme assez semblable. J'ai dit top shape. J'ai pas dit top chef. Hein. Attention, top hein, on est d'accord. On n'est pas dans la cuisine, là. Hein. Top shape. On est... non, ça veut dire berlingot, quoi. En gros, forme de berlingot. Forme de berlingot, tous les deux, pointu, oui. Pointu au pôle, ouais. Et équateur plutôt plus large que l'épaule. Et cette forme-là avait été prédite, notamment par, encore une fois, Patrick Michel, qui fait des modèles. Et c'est dû au fait que l'objet tournant sur lui-même, il y a des avalanches, c'est-à-dire que la matière tombe des pôles vers l'équateur. Et donc les pôles s'appauvrissent et l'équateur grossit. C'est pour ça qu'on a une boursouflure à l'équateur et de Bennu et de Ryugu. C'est le même phénomène. Une des différences fondamentales entre Bennu et Ryugu, sachant que si vous superposez leurs formes, c'est pratiquement les mêmes. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Par contre, si vous regardez Ryugu, il y a un truc qui, moi, m'a fasciné. C'est que vous avez du gris, ça, c'est classique. Puis vous avez du blanc, puis vous avez du noir. Ça, c'est pas classique du tout. D'ailleurs, sur Bennu, sur Ryugu, pardon, c'est plutôt dans les teintes grises. un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc Bénou à droite, avec un peu de noir, et Bénou... Avec un contraste entre le blanc et le noir qui est vraiment très fort. Voilà. Alors que Ryugu à gauche, c'est beaucoup plus gris Ryugu, et blanc. Plus grand. Alors plus c'est noir, plus on a tendance à penser que c'est riche en carbone. D'accord. Et plus c'est blanc, plus c'est... Alors est-ce que c'est hydraté? Je ne dirais pas jusque-là, mais... Oui, mais l'albédo, que c'est la capacité de réflexion, c'est identique dans les deux objets. La moyenne, sous les deux objets, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire pas grand-chose. L'albédo, c'est le coefficient de réflexion. Tout ça est extrêmement sombre. On parle de 3-4% d'albédo. Ils réfléchissent très mal la lumière du soleil. Très mal. C'est très, très sombre. Soulage fait du noir. Ben voilà, c'est quasiment du noir de Soulage, tout ça. Hein. C'est très, très sombre. Et néanmoins, quand on arrive à récupérer des photons, puisqu'on a des photos, ben vous voyez qu'il y a, quand même des parties, des morceaux, des cailloux qui sont extrêmement sombres, presque noirs sur Bénou, et d'autres qui sont presque blancs. Donc il y a quand même des forts contrastes. Alors, en fait, quand on regarde la courbe d'albédo, ça oscille entre 2,5% et 4,5%. Vous voyez qu'on est... C'est-à-dire que ça réfléchit environ 2,5 ou 4,5% voilà. De la lumière qui est Le noir, il est à 2,5% et le blanc, il est à 4,5%. Vous voyez que ce n'est pas du 99% comme la glace d'eau. D'accord. Hein. C'est très, très sombre. Il faut quand même bien relativiser tout ça. Et après, si vous regardez la photo, moi, qui m'a sidéré, qui est page 5... Depuis, Marcello m'a montré une autre photo qui est dans le... Si vous voulez avoir des belles photos en astrophysique, vous allez sur APOD. Vous tapez APOD sur Google. APOD. Astrophysique Call Picture of the Day. C'est la NASA qui met une image par jour. En général, c'est des images sublimes. Et le 24 mai, il y avait une image de Bénou que Marcello m'a montré à l'instant. Et c'est un peu celle que vous avez page 5, c'est-à-dire un tas de cailloux. Vraiment un tas de cailloux. Et malheureusement, il y a eu un encart un peu malheureux, mais le gros caillou blanc qui est au centre de l'image, dites-vous qu'il fait 7 mètres. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le tas de gravats qu'on a là-dedans, mais l'énorme surprise, c'est que c'est que des gravats, et des gros gravats, hein, c'est vraiment des blocs, et absence totale de régolithe, de poussière, de matière fine. Et ça, c'est aujourd'hui, il y a deux équipes d'ingénieurs qui vivent un cauchemar. C'est l'équipe d'Osiris Rex et l'équipe d'Hayabusa 2 parce qu'ils avaient tous les deux tablé sur de la poussière. Or, il n'y en a pas. Comment on fait pour collecter? Ah oui, comment on fait pour collecter quand on veut collecter de la poussière et qu'il n'y a pas de poussière et qu'il n'y a que des gros cailloux? Alors, je vous ai expliqué comment on collectait avec Hayabusa 2. Il y a un fusil, on tire une balle. Ils n'ont pas de nappe laser pour vérifier qu'est-ce qui rentre dans le conteneur. Ils ne savent pas s'il y a des choses qui sont rentrées. Ils pensent qu'ils ont du matériel. Mais ils n'en savent rien. Ils savent juste que la bille d'acier a été tirée. Et on a un très beau petit point GIF sur Internet, vous pouvez le voir. Au moment où la trompe touche, on voit des débris qui sautent partout. Et donc ça, on pense que c'est l'effet de la bille d'acier. Bon, quand même. Mais sur Osiris Rex... Ils sont partis sur un autre principe. D'abord, ce n'est pas une trompe, c'est en fait un grand disque, je ne sais pas quel est le diamètre, 40, 50 cm, qui vont plaquer sur la surface pendant quelques secondes. Et dès que le disque est au sol, il y a un réservoir de gaz qui va cracher du gaz très très fort de l'intérieur pour que le gaz sorte par les bords du disque avec un filtre. Et le but, c'est de faire rentrer dans le disque, sur la périphérie du disque, de la galette, le maximum de matériaux en espérant qu'il n'y ait pas des gros morceaux qui vont bloquer parce qu'il y a un système de trappe. L'idée c'est que le gaz va ouvrir la trappe, le matériau va passer la trappe et le gaz va s'échapper à travers le filtre et le matériau va rester à l'intérieur. Et ça n'a pas été fait, d'ailleurs ils vont le faire dans très longtemps, en 2020. Ah oui. Alors à la différence de Hayabusa 2, mais ça c'est une anecdote que je vais raconter parce que je la trouve assez fascinante. Quand vous lisez les textes sur Osiris Rex, ils vous disent « on va collecter minimum 60 grammes ». Et puis dans d'autres documents, vous voyez 2 kilos. Ah, carrément. Alors vous dites « 60 grammes ou 2 kilos ?» Il faut se mettre d'accord. Il faut savoir. Hein. Alors, entre 60 grammes et 2 kilos. Et 2 kilos, leur estimation. Justement, j'y arrive. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est qu'ils tendent la trompe et ils font tourner Osiris Rex. Comme les enfants font tourner, je sais pas, une fronde. Ils mesurent le moment d'inertie. Ils le font avant la collecte et ils le font après la collecte. Et comme les échantillons sont sur la périphérie, en termes d'inertie, c'est l'effet maximum. Et avec ça, vous mesurez la masse de l'échantillon. Simplement, la précision de la mesure, c'est 60 grammes. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas mesurer, si c'est 50, ils ne peuvent pas le mesurer. Donc, en fait, ça va se passer entre 60 grammes et 2 kilos. Mais après la collecte, ils vont faire la toupie et ils pourront dire on a 1,5 kg, ils l'annonceront fort et clair. Voilà. Alors, Antoine Abarucci, vous n'êtes jamais venu au Mardi de l'Espace ? Ouais. N'est-ce pas ? Vous n'êtes jamais venu ? D'accord. Non, c'est la première. Normalement, je passe le micro dans la salle. Là, ça fait une demi-heure que j'aurais dû le faire. Là. Enfin, je vous dis ça comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est je vous passe le micro. Si vous avez envie de discuter directement avec Francis Rocard, Antoine Abarucci, posez vos questions, je vous passe le micro. Et c'est aussi simple que ça. Et vous avez compris qu'ils seront très heureux d'y répondre. Voilà. Je reviens sur les histoires de comètes. On a pu voir tout à l'heure que c'était un petit peu la guerre. La question, du coup, ça a l'air de pas mal débattre. Et pour l'instant, ça en est où sur ces débats, en fait, sur les opinions que l'on a ? Est-ce qu'on est plus sur les comètes comme vu auparavant, ou est-ce que... Alors, depuis, on a fait beaucoup d'études aussi sur la formation du système solaire. Donc, et avec les autres systèmes planétaires autour des autres étoiles, on a vu aussi la migration de certaines planètes en formation. Donc, en réalité, sous la base des théories, il semble que les planètes de nos systèmes solaires, ils ont migré pendant la formation, et donc il y a eu aussi un mélange des objets. Donc, par exemple, on sait que les objets formés des roches, ils se forment tout près du Soleil, et les objets formés des glaces, ils se forment plus loin, où la température est beaucoup plus bas. Mais comme il y a eu cette migration des planètes pendant la formation, il y a eu un mélange des objets formés plus loin à l'intérieur et des objets qui sont formés tout près, beaucoup plus lointain. Donc, il y a cette mélange. Mais aussi, on a vu qu'il y a eu un mélange pendant la nébuleuse protosolaire. Donc, dans la nébuleuse protosolaire, les matériaux qui étaient plus près du Soleil... La nébuleuse protosolaire, c'est le nuage de gaz à partir duquel le système solaire s'est créé. Et à cette époque, il y a eu aussi un mélange des matériaux, glace et roche, mais on parle des micromatériaux. Et donc, tout ça, il y a eu un mélange dans la nébuleuse protosolaire. Et en réalité, on a eu une petite mission qui s'appelle Stardust vers la comète Wild 2. De la NASA. C'était une vieille mission et c'était la seule mission qui avait fait des tentatives de prendre des échantillons d'une comète, de la chevelure d'une comète. Et dans cette petit grain, on a vu qu'il y avait des matériaux comme les chondrites carbonées, des chondrites ordinaires. Et avec un mélange de matériaux qui n'était pas possible de se former à la même température. Et donc, ça expliquait qu'il y a eu un mélange. Les Américains, ils disaient un pot-pourri des mélanges incroyables parce que c'était inexplicable. Donc, on peut avoir ce mélange. Donc, en réalité, je pense que ce n'est pas important la définition astéroïde et comète. C'est juste c'est une définition que c'est sous l'apparence. S'il y a une activité, on l'appelle comète. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de comète. Mais sous la composition elle-même, ça peut être vraiment... tout, ça peut être un grand mélange. Alors, il peut avoir un tiers, ou il peut avoir 10%, 20%, les 5%. Je pense que ce n'est pas important. Mais on a des activités sous les astéroïdes. À certaines fois, cette activité, ça peut être seulement due à une collision, donc de la matière des roches, ou des fois, ça peut être du volatile qui vraiment vient de l'eau, de l'activité, de la glace. Et donc, Cérès, c'est une expérience, parce que la théorie de Cérès, c'est qu'il y a un cryovolcanisme, qu'il y a de l'eau à l'intérieur qui émet cette matière à l'extérieur. Alors, il y a des hypothèses que Cérès peut-être était formé. Le cryovolcanisme, c'est un volcanisme froid. C'est un volcanisme froid. Donc, tout ça, ça explique qu'en réalité, la situation est plus complexe de celle qu'on imaginait. Mais bien sûr, on a quand même cette distinction. Les objets plus denses se sont formés plus proches, celles plus riches en glace et en volatile, beaucoup plus loin. Mais après, il y a eu un mélange. Les comètes se seraient formées loin du Soleil, et ce qui est astéroïde, plutôt plus près du Soleil. Hein. Et après, il y avait cette ligne de glace qu'on pense que c'était au-delà de cette ligne, il y a la glace. Plus proche de cette ligne, il n'y a pas de glace. Mais cette ligne, on ne sait pas où elle est. En réalité, on ne sait même pas cette ligne. Avant, on pensait que c'était à 5 fois la distance Terre-Soleil, 5 unités astronomiques. Maintenant, on pense que c'est à 3. Certains ils disent encore plus proche. On ne sait pas où elle est, cette ligne. Et ces corps-là, comètes et astéroïdes, se sont formés en combien de... En quelle durée? Il a fallu combien de temps pour qu'il se... Bah, normalement, c'est des millions d'années. Quelques millions d'années au tout début du système solaire. C'est au tout peu, début du système solaire. Ouais. Là, on est à 4,5 milliards d'années. Hein. Il y a 4,5 milliards d'années. Ouais. Alors, bon, Tonella veut absolument mélanger astéroïdes et comètes. Moi, je vais me battre pour séparer astéroïdes et comètes. Il y a les deux familles, là. Ouais, ouais. On va fighter un peu. Non, mais c'est intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est il y a plusieurs familles de comètes. Il y a notamment les comètes du nuage de Oort. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du nuage de Oort, mais il faut quand même tout petit peu l'expliquer en deux minutes. Monsieur Oort, c'était un astronome danois, je crois. Hein? Hollandais. Merci, Marcello. Hollandais. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a regardé les comètes dites non périodiques. Parce que le P de 67P, P, ça veut dire période inférieure à 200 ans. À l'époque, au-delà de 200 ans, on ne savait pas mesurer. Périodique, ça veut dire qu'il revient. Paul, alors, bon. Ah oui, mais il faut le signaler. Non, mais il y a des gens qui ont bien compris. Bon, les comètes qui étaient de longue période ou apériodiques, M. Oort a voulu déterminer leurs orbites. Et le résultat, c'est qu'il a trouvé des orbites paraboliques et pas hyperboliques. C'est fondamental. Parabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une comète qui a une orbite... Alors aujourd'hui, on arrive à mesurer des périodes de 100 000 ans. On arrive à mesurer des périodes d'un million d'années. 3 millions d'années. C'est-à-dire des comètes qui reviennent tous les 3 millions d'années. Voilà. Orbite parabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la comète... Vous connaissez la deuxième loi de Kepler qui dit que plus vous êtes près de l'objet, plus vous allez vite. Et plus vous êtes loin, plus vous allez lentement. Donc au moment où la comète va partir, elle va ralentir. Parabolique, ça veut dire que la vitesse à l'infini est nulle. Ça veut dire que la comète appartient au système solaire. C'est fondamental. Ça aurait été hyperbolique. Ça veut dire qu'elle va revenir, c'est ça? Non, t'as rien compris. Excuse-moi. Ah bah justement, tu vois qu'il faut des explications. Ah non. Là, tu as rien compris. Oumuamua, vous connaissez, c'est lui là. Oumuamua, c'est le premier astéroïde hyperbolique. C'est la première fois qu'on détecte un objet pareil. Donne le numéro de page, sinon... C'est un truc de fou. Ce truc-là, il est hyperbolique. Donne le numéro de page. Bah, je sais pas, moi, c'est... En 11, bas à droite. Page 11. Donc, cet objet, on l'a vu passer... Alors, c'est un dessin, hein. C'est pas une photo. C'est une vue d'artiste, hein. C'est un dessin. Ça veut dire qu'en fait, il y a des mesures radar qui ont déterminé que le rapport entre ces dimensions était d'un facteur 10. Donc, on en a fait un cigare. Mais c'est peut-être simplement un problème d'albédo. Peut-être qu'il n'avait pas cette dimension-là. Anyway, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il est hyperbolique. Lui, il vient du milieu interstellaire. Il vient d'ailleurs. Il vient d'une autre étoile. Il a été éjecté par une planète géante autour d'une autre étoile et il est venu nous voir et il ne reviendra jamais. Il ne vient pas du système solaire. Non, il n'est pas dans le système solaire. Alors que toutes les comètes en font partie. Et M. Oort a dit, moi j'applique Kepler et Newton, c'est la même chose. J'en déduis que toutes mes comètes se sont accumulées à peu près 50 000 ou 100 000 unités astronomiques. C'est-à-dire à mi-chemin entre les étoiles les plus proches, dans la sphère d'influence, il y a des milliards de comètes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne verra jamais parce que c'est tout petit. Ça fait quelques kilomètres. C'est extrêmement loin. Et c'est extrêmement loin. Et de temps en temps, il y en a une qui tombe. Elle tombe parce qu'il y a une étoile proche qui s'est approchée, parce qu'elles se sont perturbées mutuellement. Et ça donne des comètes de période 3 millions d'années, typiquement. Mais le paradoxe de ces comètes, et ça, Antonella ne l'a pas dit, mais c'est, moi, ça m'a sidéré, c'est qu'en fait, elles se sont formées beaucoup plus près du Soleil que les comètes de 200 ans, les comètes de la ceinture de Kuiper. Parce que c'est Jupiter en migrant qui les a éjectées dans le nuage de Oort. Et Jupiter étant le plus costaud, il donne un punch vraiment violent et te les balance hyper loin. Donc les comètes objets... du nuage de Oort se sont formées plus près que les comètes de la ceinture de Kuiper. Où ce sont les formettes qui sont formées peut-être pas à 50 UA, mais peut-être à 30 ou à 20 ou 30 UA. L'UA, c'est l'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Voilà, ça c'est assez curieux, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces deux grandes familles, pour essayer de voir s'il y a des différences, parce qu'on pense qu'elles ne se sont pas formées au même endroit. On a compris qu'il y a plein de réservoirs différents. Hein. Il y a des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et jusqu'au pour et vous donner une idée. Il y a la ceinture de Kuiper qui est au-delà des objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune. Et puis encore plus loin, beaucoup, beaucoup, incroyablement plus loin, tout ce qui est dans le nuage donc, de Oort. Donc, jusqu'au pour vous donner une idée, les objets transneptuniens sont entre 40 et 100 000 unités astronomiques. Et la nuage d'or entre 40 000 et plus unités astronomiques. Hein. Donc c'est vraiment encore plus loin de notre système solaire. Hein. C'est très très loin. Hier, les finalistes de Top Chef devaient cuisiner des berlingots. Attends, t'écoutes pas là. L'un d'eux a donné à son dessert les noms de Rouigou et de Bénou. Faut dire que ce monsieur a un métier de la cantine du CNES, c'est le cuisinier. Il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, ce serait tout à fait indiqué. D'autres interventions peut-être pour qu'on continue notre discussion. Je vous passe le micro. Merci. J'avais une question pratico-pratique. Quand vous arrivez à piéger des particules et que vous les ramenez sur Terre, comment vous les récupérez dans la boîte et comment vous les étudiez? Alors là, normalement, ça c'est les matériaux qu'on appelle pristines, inaltérés. Et on a besoin de ces matériaux qui soient inaltérés complètement. Donc, il y a des, normalement, ce sont des capsules de retour, tout sigillé, bien fermé. Et donc, s'il y a eu des photos, par exemple, sur les prélèvements de la capsule de Yabusan, où tous les ingénieurs, les chercheurs, ils les prennent avec des matériaux hyper protégés pour ne pas altérer rien. Et ils rapportent toute leur entrée capsule dans le laboratoire très propre, où on a des machines, où on rentre avec des gants dans la machine, donc on ne peut pas ouvrir comme ça. Et il y a tout des instrumentations très sophistiquées. Ça s'appelle des laboratoires qu'on appelle les correction facility, donc on garde ces matériaux. Parce que l'idée, c'est de garder moitié des matériaux pour les générations futures, comme on a fait sur la Lune, et analyser et regarder la moitié des matériaux tout de suite. Et par exemple, tous les matériaux qu'on a eus de la Lune il y a 50 ans avec les missions Apollo, aujourd'hui, on est capable de les réanalyser et de faire des autres découvertes grâce à les nouvelles technologies. Donc, c'est des matériaux qu'on pourrait réanalyser pour toute notre vie avec l'avancée des technologies futures. Les matériaux, merci pour le micro, les matériaux d'Apollo, 382 kilos d'échantillons. Il y a à peu près 10-15% qui ont été distribués. Il y a eu des cadeaux, il y a eu des vols, mais tout ça, ça fait 10-15%. Et les analyses d'échantillons, moi-même, dans ma thèse, j'en ai utilisé, on les détruit. Donc si on les détruit, la NASA tient un compte au milligramme près. Et si vous dites, ça a été détruit, la NASA, mais ok, vous l'avez détruit, vous rendez ce que vous n'avez pas détruit. Tout doit être rendu. Et aujourd'hui, il y en a encore 90% qui sont en atmosphère d'azote, dans une cuve en atmosphère d'azote pour éviter l'oxydation. Et donc, et c'est préservé pour qu'il n'y ait aucune altération avec le temps. Alors évidemment, les gens qui font les rapports isotopiques de l'azote sont un peu malheureux, mais c'est les seuls à être malheureux. Tous les autres sont très contents parce que voilà, l'azote est un gaz inerte qui ne va pas les altérer. Et comme le programme Apollo a coûté 150 milliards de dollars. L'idée qu'on va retourner sur la Lune pour apporter des échantillons n'est pas garantie. Donc, on les garde pour les générations futures. Il y a toujours des gens, il y a à peu près 400 équipes dans le monde aujourd'hui qui demandent tous les ans des échantillons, qui font des nouvelles analyses. Donc, ça continue. Alors, c'est un à bas flux. Mais il y a toujours une activité sur les échantillons lunaires. Et quant aux échantillons Hayabusa 1, je pense qu'ils ont été pratiquement intégralement distribués. Sur Hayabusa 2, ils ont une stratégie un petit peu similaire. Ils vont en mettre un tiers de côté pour les générations futures. Ils vont en utiliser un tiers pour les analyses préliminaires qui peuvent être un peu polluantes. Et puis un tiers va être... Il y aura 10% pour la NASA, parce que la NASA a négocié 10%. Bon, c'est comme ça. Et voilà, donc il y a une répartition qui est faite. Avec toujours l'idée qu'on ne va pas tout dépenser tout de suite. Et peut-être que dans 20 ans, on aura des instruments d'analyse tellement magnifiques qu'on fera des nouvelles découvertes. Est-ce qu'on peut dire un mot de Mascotte s'il n'y a pas d'autre intervention, parce qu'on a juste cité son nom quasiment. Donc Mascotte, c'est ce petit cube qu'on voit sur la page 1, donc en couverture, et puis qu'on voit aussi en page 3. C'est ce cube qui est en train de descendre, voilà, sur Ryugu. Alors donc, c'est la boîte à chapeau. Et puis c'est la boîte à chapeau. La France, hein, est investie là-dedans. La France est investie. C'est germano-français. C'est, comme l'a dit Antonella, c'est Philae en plus petit. Germano-français aussi. Et l'image de la page 3, c'est une vraie photo de Mascotte en train de tomber sur Ryugu. Et les choses se sont plutôt bien passées du point de vue du véhicule lui-même. À ceci près, et d'ailleurs, j'étais lundi dernier à Nice pour une réunion Mascotte. J'ai pas été convaincu par l'argumentaire, mais en gros, Mascotte doit se poser sur une certaine face. La face où les instruments sont vers le bas. La caméra regarde vers le bas, Micromega, un instrument français, regarde vers le bas, et Mascotte s'est posé les instruments vers le haut, aïe, ce qui n'était pas bon. Mais le logiciel de bord, avec des senseurs de contact, avec des senseurs, non pas de gravité, parce que c'est malheureusement, il n'y a pas assez de gravité, mais avec des senseurs qui sont des senseurs d'illumination des faces. Donc il y avait une matrice de décision assez complexe, suivant que la face 1 est illuminée, la face 2 est à l'ombre, la face gauche est illuminée, la face 3 est à l'ombre, dans quelle face je suis et faut-il que je me retourne. Vous voyez que c'est un sujet mathématique intéressant. Eh bien, ça a foiré. C'est-à-dire que la mathématique a foiré, c'est-à-dire que Mascotte ne s'est pas retourné alors qu'il avait un soft de bord qui devait analyser les 6 faces, en déduire qu'il n'était pas bien, et il avait un mécanisme interne assez original, une roue à inertie, vous lancez une roue, et vous la freinez brutalement, à ce moment-là, Mascotte, hop, il se met à tourner sur lui-même. Et le but, c'était d'obliger Mascotte à se retourner sur la bonne face. Ça n'a pas été fait. Il y a eu beaucoup de tensions à la JAXA. Et d'ailleurs, il faut dire que Jean-Pierre Bibring, qui avait son instrument, qui regardait le ciel, il a tout de suite, et on peut dire qu'il, dans le genre pitbull, il est bien, lui. Quand il s'énerve, On le sent passer. Il a tout de suite dit, mais c'est une catastrophe, il faut vite se retourner. Les Allemands ont été un peu mous du genou en disant, attendez, c'est pas sûr, machin, machin. Bon, en fait, il avait raison. Et donc, ils ont donné l'ordre de retournement, mais ça a pris du temps. Et comme on est sur batterie, bah, plus le temps passe, plus on vide la batterie. Et finalement, ils ont retourné Mascotte, ils ont fait des analyses. On a des très belles images de Mascotte. Donc, ça a marché, là. Finalement. Vous ne les avez pas vus. Attendez, Francis, on est d'accord pour dire que ça a fonctionné, que les images ont très bien marché. D'accord. Alors attendez, je vais vous donner les résultats rapidement. On a 120 images de Mascotte. Vous n'en avez vu aucune. C'est un scandale. Je suis fou furieux contre les Allemands qui continuent à être de l'ancien monde. Tout à l'heure c'était moi, mais là ce sont les Allemands. Pourquoi ? Parce que quand on a une mission planétaire avec un événement qui est one shot, qui est je me pose, si vous ne montrez pas les images dans l'heure qui suit, le lendemain, les médias, ils ont zappé. Ils s'en foutent. C'est plus le sujet. Donc, il fallait sortir au moins une image. Ils n'ont rien sorti. Le résultat, c'est que cette mission est restée confidentielle. Ça a été un désastre. Du point de vue des médias, oui. Du point de vue des médias. Mais je peux vous dire que nous, CNES, on n'est pas contents. Parce qu'on était imbiqués, on a dépensé de l'argent. Et le but, c'est quand même de faire en sorte que le public voit des choses qui l'intéressent. Quelle a été la participation du CNES là sur un peu comme sur Philae, on a fait toute l'analyse de la descente, on a fourni le système de communication et la batterie. Alors, dans ces images que vous n'avez pas vues, mais que j'ai vues, mais qu'on ne m'a pas données, ce qui est assez génial pour ceux qui connaissent un peu les météorites, vous savez que dans les météorites, on voit des inclusions blanches qui sont très très importantes dans l'histoire des météorites. Je crois qu'Antonella, tu pourras le confirmer. C'est cristallin, non ? Non, c'est des CAI, c'est des calcium aluminium inclusion, je crois que c'est ça le mot. En fait, c'est quasiment des grains interstellaires, quoi, hein. ou pré-solaires, c'est-à-dire c'est des grains qui existaient avant même que la nébuleuse s'effondre. Donc c'est vraiment le Graal pour analyser la matière avant même que la nébuleuse ne s'effondre. Et ces CAI, d'ailleurs, qui je crois ont été découverts par des Français. Les photos de Mascotte à l'échelle de 10 microns, le pixel, donc on est à l'échelle d'une météorite, on voit des inclusions comme ça. On les voit. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on voit, on met une météorite à côté, c'est la même chose. on voit un astéroïde, on voit la météorite, c'est effectivement la même chose. Pour la première fois, on a une similitude extraordinaire entre une météorite et un astéroïde. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que toutes les météorites viennent, presque toutes, des astéroïdes. Donc on aimerait bien faire ce lien pour une fois de façon directe. Jusqu'à maintenant, le lien est quand même assez ténu. Donc tout ça, on attend la publication. Et le jour où ça sera publié, toutes les images vont être mises sur Internet. Mais les médias, ça ne s'y intéresseront plus. Ah, on verra, on verra. Ayagusa 2, oh tu sais que toi, va pas dépenser tout ça. Ayagusa 2, déjà que tu dois 10% à la NASA. Merci. Donc vous êtes très excité par ces CAI, là, ces inclusions calcium, aluminium qui se sont créées vraiment tout début du système solaire. Vous lui dites qu'on les a retrouvés aussi dans les météorites, mais l'intérêt d'aller si loin, c'est que j'imagine que celles qui sont sur les météorites ont été extraordinairement transformées par leur passage dans l'atmosphère. Tout ça a brûlé, tout ça a été transformé. Donc oui, oui c'est ça. Oui, il y a un énorme biais dans les météorites. Il faut toujours en avoir conscience. C'est que n'arrive au sol que ce qui est le plus costaud. Est-ce que je peux vous rappeler que la météorite, c'est comme une astéroïde, mais qui est tombée au sol et qui donc a. Non, mais attends, c'est des, excuse-moi, c'est des évidences que tu dis. Non, c'est pas évident. Merci, s'il te plaît. Il faut l'avoir dit. Non, tout ça, je pense que tout le monde le sait. Une météorite, c'est ce qui est au sol. Mais il y a un énorme biais dans les météorites. Ceux qui ne le savent pas ne le diront pas. Il y a un énorme biais. C'est-à-dire que le matériau solide est récupéré. Vous avez une quantité de météorites métalliques qui est bien supérieure à la réalité des astéroïdes métalliques. Tout simplement parce que dès qu'il y a une météorite métallique, elle arrive intacte. Alors que si vous avez une comète, par exemple, quand elle arrive dans l'atmosphère, en général, elle explose et tout disparaît. On n'a rien. On a peut-être, c'est orgueil, je crois, on a peut-être une météorite. Certains disent que ça viendrait d'une comète. Mais s'il n'y a pas un consensus là-dessus, je crois que c'est orgueil. Et donc, dans les météorites, on récupère ce qui est le plus compact. Donc le matériau le moins poreux. Tout ce qui est le matériau poreux. Prenez l'exemple de 2008 TC3. Alors 2008 TC3, j'aime bien citer cet exemple parce qu'il ne va pas faire plaisir à Antonella. Tu vas voir. 2008 TC3, c'est le nom d'un petit astéroïde qui en 2008 a été observé. Il est tout petit, je crois qu'il fait 8 mètres. Et on a fait le fameux spectre. On l'a mis dans les planches, les spectres, ou pas ? Non, on les a pas mis. Bon, anyway. Le spectre en question, c'est la seule façon que nous avons de classer les astéroïdes. C'est un spectre extrêmement pauvre, mais on n'a rien d'autre. On a fait ce spectre. Un spectre, c'est... Dans l'infrarouge proche. Une mise en image qui permet de savoir la composition de la surface. Hein. Ouais. Exactement. La composition de la surface d'un astéroïde. Exactement. Et avec ça, on fait toute une classification. Antonella est la grande spécialiste de la classification. Elle pourrait vous en parler pendant des heures. Mais je vais beaucoup te décevoir, Antonella, je pense que cette classification, malheureusement, elle ne vaut pas un clou. Pourquoi ? Parce que quand 2008 TC3 est tombé, il est tombé dans le désert du Soudan. Évidemment, il y avait des bédouins. Vous savez qu'il y a des bédouins qui collectent les météorites. Alors, c'est comme ça. Hein. C'est eux qui se promènent dans le désert. Et ensuite, ils les vendent à des marchands. Et finalement, ces météorites arrivent quand même dans les collections, ce qui est une bonne chose. Ils ont collecté 0,001% de la masse de l'astéroïde. Première remarque. Ça veut dire que tout le reste a disparu. Donc déjà, vous avez un biais considérable entre la quantité que vous récupérez au sol et la masse de départ. Je vous rappelle, il faisait 8 mètres de diamètre. Donc c'est quand même costaud. Et quand on a analysé toutes ces météorites, au stupeur, il n'y en a pas deux pareilles. Elles sont toutes de types différents. Et voilà. Et là, c'est les mélanges de la nébuleuse protosolaire. Et moi, j'aime beaucoup cette image. Laquelle, l'image de la page... c'est page 11, 5. C'est ça ? Page 5. C'est une image de Ryugu. Mais le rubble pile, en anglais, en français, le tas de gravats, c'est une réalité. C'est-à-dire que ces objets sont des tas de gravats. Ils ont en général subi des collisions qui les ont détruits et ils se sont réagglomérés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homogénéité dans ces objets. Il y a une diversité absolument énorme. Et donc... Et là... C'est la même chose avec les comètes. Parce que dans cette dishomogénéité, on peut avoir un mélange de matériaux qui est semblable à les comètes. Pour ça, oui. Et donc, une chose, quand on parlait de Bennu et Ryugu, en réalité, ces objets, ils ont cette forme si bizarre parce qu'ils sont le résultat d'une collision. La forme en berlingot, là, qu'on voit page 4. Parce qu'en réalité, on sait ce qu'on appelle des rubble piles. Donc, c'est les agrégats des gravats qui se sont remis ensemble. Et comme normalement, il y avait Bennu qui tournait très rapidement, il a cette forme qu'on appelle top shape, avec l'équateur beaucoup plus gros et les matériaux qui descendent vers l'équateur. Donc ça, ce sont des objets qui sont vraiment des agrégats, des gravats. Et en réalité, sur Ryugu, on n'avait pas cette... on ne connaissait pas cette image avant. On ne donnait pas l'estimation de l'image avant. Et les périodes de rotation, c'est aussi plus long. Donc après, on pense qu'il y a eu des collisions qui ont changé et expliqué tout ça. Mais en réalité, comme vous voyez, par exemple, les deux astéroïdes sont des astéroïdes identiques. Classés comme astéroïdes primitives. Sont classés la matière plus primitive du système solaire. Des chondrites carbonées, ils ont la même forme, ils ont la même densité, ils ont la même albédo, mais la composition, elle n'est pas si pareille, elle n'est pas si identique. Il y a un contenu d'eau, d'hydratés, des matériaux hydratés plus riches sur Bennu que sur Ryugu. Ryugu, probablement, elle était beaucoup plus altérée par la température. Et pour ça, on a besoin des analyses en laboratoire, des échantillons qu'on ramène. Parce que ces objets-là, on pense qu'ils soient vraiment les objets qui ont porté la vie sur Terre, qui ont porté l'eau et les organiques qui ont créé la vie au moment où ils sont sortis les premiers signes de vie. Les astéroïdes ont créé la vie. Oui, alors il y a toujours les débats entre les astéroïdes et les comètes. Il y a toujours les comètes qui pensent les comètes, les astéroïdes qui pensent... Mais sont les petits cœurs, c'est la même chose, parce que c'est la même population. En réalité... Donc, en analysant, par exemple, la comète aussi 67P, on a vu que son rapport isotopique, ce n'est pas comme celle des océans terrestres. Donc, ce n'est pas la comète de ce type-là qui a porté la vie sur Terre. Par contre, il y a plein de météorites venant des astéroïdes qui ont les mêmes rapports de deutérium sur hydrogène, semblables à la Terre, aux océans qui sont sur Terre. Et donc, on pense que c'est plutôt ces matériaux-là, ces chondrites carbonées qui viennent des astéroïdes qui a porté... l'origine de la vie, l'eau et les matériaux organiques. Mais cette chondrite carbonée, on l'a vu aussi sur les comètes. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, sur la comète Wild 2, avec les sans retour, on a trouvé des chondrites carbonées, aussi des chondrites beaucoup plus élaborées qu'on trouve sur les astéroïdes. Et donc, il y a ce mélange. Alors, moi, je pense que... Il y aura toujours une distinction entre astéroïdes et comètes, parce qu'il y a une distinction d'apparence et tout. Distinction, oui. Mais cette distinction, elle n'est pas nécessaire. C'est une population des planétésimaux qui ont formé notre système solaire. Ce sont les planétésimaux qui ont formé les systèmes solaires avec des matériaux plus denses qui ont formé les planètes antérieures et des matériaux plus volatiles qui ont formé les planètes extérieures du système solaire. Oui, justement, la question, c'est ce sont des matériaux qui ne sont pas formés à la même distance du Soleil. Les cailloux se sont formés très près du Soleil, il n'y a que des cailloux, il n'y a pas de carbone et il n'y a pas d'eau. Et les comètes qui sont très très riches en eau et dans le carbone se sont formées très très loin du Soleil. Les astéroïdes, sinon il n'y aurait pas d'eau, carbone. Tout simplement il n'y aurait pas d'eau. Voilà, donc c'est quand même fondamental, le lieu de formation de ces objets n'est pas le même. Alors est-ce qu'on peut regarder ensemble quelques images là, attendez, que... je voudrais avant cela, parce que là on arrive à la fin, Antonella a parlé du D sur H. Du quoi? Le D sur H, le deutérium sur hydrogène qui est une question qui envenime un petit peu les débats en ce moment. Est-ce que l'eau de la Terre vient des comètes ou vient des astéroïdes? Sachant qu'elle l'a dit, et je le répète, c'est important, le D sur H dans les astéroïdes, c'est ce qu'on mesure dans les comètes, il a la valeur terrestre. Donc beaucoup de gens, et Antonella vient de le dire, pensent que l'eau vient des astéroïdes. Il faut expliquer D sur H d'un mot. Deutérium sur hydrogène, c'est le deutérium, c'est l'eau de l'hydrogène, tout ça étant lié dans la molécule d'eau H2O. Donc l'eau sur Terre... Laisse-moi parler, on va gagner du temps. Je termine. L'eau sur Terre a un certain rapport D sur H, et il faut qu'on retrouve... la question, voilà. C'est d'où c'est vient cette eau qui a ça. Cette signature-là. Alors, il y a eu tout un problème. Donc, en gros, pour les météorites, la valeur est à peu près terrestre. Vous avez compris, il y a beaucoup, beaucoup plus d'astéroïdes que de comètes. il y a beaucoup, beaucoup moins d'eau dans les astéroïdes que dans les comètes. Donc, est-ce que le beaucoup, beaucoup plus par le beaucoup, beaucoup moins fait l'eau de la Terre venant des astéroïdes? Ça, c'est une première possibilité. Ou alors, il y a beaucoup moins de comètes, mais elles sont extrêmement riches en eau. Est-ce que l'eau vient des comètes qui sont moins abondantes? Et dans le cas des comètes, on s'aperçoit que le dessurage est très variable, énormément variable. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont terrestres et il y a des valeurs qui sont 3, 4 fois la valeur terrestre. Et il y a un papier venant de ton labo, je te rappelle. Pas du tout. Tu ne parles pas du même papier. Il y a eu un papier très récemment qui, à mon avis, est très important. J'attends de voir si, effectivement, il fait consensus, qui montre que le dessurage varie selon la fraction de l'activité de la comète. C'est-à-dire que si c'est une comète hyperactive, c'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ou 20% de sa surface qui est active, par rapport à une comète qui aurait 1% de sa surface qui est active, le dessurage change. Ça veut dire, alors c'est bien compliqué, excusez-moi, mais il faut comprendre. En fait, il y a deux mécanismes fondamentaux qui seraient à l'œuvre. Le mécanisme classique d'une comète, qui est que la glace, comme l'a dit Antonella, n'est pas en surface ou très marginalement en surface. La glace, tout simplement parce que la comète, ce n'est pas la première fois qu'elle voit le soleil, donc il n'y a plus rien en surface. Mais néanmoins, elle est active. Donc ça veut dire que c'est de la glace d'en dessous qui se sublime et qui sort. Il y a un effet geyser et la glace vient de l'intérieur. Ça, c'est le mécanisme classique des comètes. Et il y aurait un deuxième mécanisme qu'on a complètement sous-estimé jusqu'à maintenant. C'est le fait que des grains riches en glace sont éjectés de la comète et ensuite les grains se subliment. Et ne me demandez pas pourquoi, ça modifie le rapport des surages. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, il y a un graphe qui est extrêmement parlant, c'est la valeur du dessurage fonction de la fraction de la surface active de la comète. Alors vous voyez que ça devient un peu technique, mais ce qui est, c'est génial, c'est qu'il y a une corrélation parfaite. C'est-à-dire qu'on comprend enfin pourquoi le dessurage varie d'une comète à l'autre. Ce n'est pas qu'il varie intrinsèquement, c'est qu'il y a des mécanismes qui font modifier le dessurage suivant que la comète est peu active ou très active. Par contre, sur les astéroïdes... Et à ce moment-là, je termine mon point, et à ce moment-là, le dessurage aurait la valeur terrestre. C'est ça le point. Oui, mais il y a jusqu'à quelques comètes observées jusqu'à maintenant qu'il a les mêmes valeurs terrestres. Par contre, il y a plein de météorites qui ont les mêmes valeurs terrestres. Mais avec ça, j'ajoute juste une chose. Donc, ça laisse penser que l'eau de la... Ce que vous dites pourrait laisser penser que l'eau de la Terre vient plus des astéroïdes que des comètes. Dans la statistique, oui. Si on regarde statistiquement, mais c'est qu'on regarde aussi sur la comète de Rosetta, Churyumov-Gerasimenko, l'activité de la comète, quand Francis y disait, les comètes, ils ont un tiers d'eau, un tiers de glace. C'est pas si vrai que ça, on ne sait pas. Il y en a certains qui l'ont peut-être entière, même 50%. Mais quand vous regardez l'activité de la comète 67P, les grains qui sortent de la comète, l'activité, qui avant on pensait que c'était des grains qui étaient des glaces, maintenant ils ont un rapport 8 à 1 des roches. Là, c'est beaucoup plus des roches par rapport à la glace. Donc cette activité, c'est une activité très dense avec très peu de glace. Les grains de la comète, même sur Rosetta, c'est beaucoup plus formé des poussières rocheuses que des poussières glacées. Il va falloir qu'on arrête avec vos débats. Excusez-nous, ça devient une discussion de spécialistes. Là, on va discuter toute la soirée. Mais la comète Virtanen, qui est une comète hyperactive... On a des choses un peu plus terre-à-terre. Voilà, bon, en fait, peut-être qu'on a enfin compris pourquoi le dessurage varie dans les comètes. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut... Allez, à moins qu'il y ait des interventions et que vous ayez envie de discuter directement avec Francis Rocard, sans essayer de mettre d'huile sur le feu, ça va, le débat est assez chaud là, merci beaucoup. Voilà, le mot dessurage est interdit de prononciation jusqu'à la fin de la soirée. D'accord, c'est bon. Alors, regardons page 14 là, on va changer de sujet là, complètement. Regardez ça, ces images qu'on voit là. Vous avez vu ça, les images d'exploitation. Bah oui, parce que les astéroïdes, ils contiennent l'eau, et donc il y a cette idée de faire des minières dans les astéroïdes. Donc il y avait d'abord avec Obama, à l'époque d'Obama dans les États-Unis, il y avait l'idée d'envoyer l'homme sur la Lune. Il y a eu aussi beaucoup des projets d'émission, des rattrapages d'astéroïdes, les apporter sur Terre, et aussi beaucoup des études d'émission pour utiliser l'astéroïde comme point des stations de service une fois qu'on allait vers des autres... Stations de service. Oui, pour récupérer l'eau. Ça, c'était l'idée. Ça, c'était l'idée. Parce que quand même, on peut extraire de l'eau des astéroïdes. Oui. Ça, c'était oui. l'idée. Alors, après, il y a eu Trump. Et avec Trump, bon, on a quitté tout ce projet. Voilà. Non, voilà. Alors, dans la page, dans la photo, page 14, il faut faire attention que le petit encart en bas à droite, on est sur la Lune, hein. Ne confondez pas les choses. Sur un astéroïde. Je connais très bien cette photo. D'accord, voilà, on est moi. Sur la Lune. C'est mon erreur, pardon. Voilà, c'est toi qui as commis l'erreur. C'est moi ce qui est. Non, la question de l'eau sur les astéroïdes et sur la Lune est une question que Von Braun en 1952 avait déjà mis sur la table. Ça veut dire que si vous voulez envoyer l'homme sur Mars, il vous faut beaucoup d'eau. Si vous envoyez cette eau depuis la Terre, ça vous coûte $12,000 le kilo. Bon, c'est un chiffre qui a été cité par la NASA. Si on trouve un moyen d'avoir un kilo de flotte à moins cher que $12,000 de kilo, ça vaut la peine d'essayer. Donc il y a deux possibilités, la Lune, les pôles lunaires et les astéroïdes. Les pôles lunaires, c'est le petit encart que vous voyez là. Bon, en gros, ce que vous voyez, c'est pas du tout l'extraction de l'eau, c'est plutôt l'extraction de l'hélium-3, mais on va peut-être pas en parler. C'est une espèce d'usine qui extrait l'hélium-3. Mais au pôle... Il y a beaucoup de glace d'eau et je suis sûr que la NASA va poser des engins au pôle sud et au pôle nord et tester des méthodes d'extraction. C'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Moi, j'ai toujours pensé que descendre dans ces cratères qui sont à 30 Kelvin, c'est effroyablement froid. On n'ira jamais. On n'ira jamais. C'est techniquement impossible. Imaginez un rover plongé dans l'azote liquide. Enfin, n'importe qui est allé dans un labo sait qu'un rover en azote liquide, il gèle. On ne peut pas faire fonctionner un rover en azote liquide. Or, l'azote liquide, c'est 77 Kelvin. Donc là, on est à 30 Kelvin. C'est horriblement froid. Donc, j'y crois pas. Techniquement, ça me paraît impossible. Par contre, si on reste en dehors de ces cratères dans la nuit, mais toujours au pôle sud, à côté de ces cratères, avec un soleil rasant, peut-être qu'il y a un peu d'eau là. Parce que le sol est quand même froid. Et là, ça change tout. Parce que vous avez des panneaux solaires, vous avez le soleil qui n'est pas loin. Votre rover, il est à une température tout à fait agréable. Et la technique, ce n'est pas tellement de creuser. Il y a des techniques beaucoup plus malines. Ça consiste... Vous savez, il y a des voitures qui ont des gros... Il y a des voitures un peu bling-bling qu'on voit de temps en temps. Vous savez, elles ont des lumières bleues sous la caisse. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Ben, c'est un peu l'idée. Sous le rover, vous avez un super four à micro-ondes qui va chauffer très fort, qui va chauffer le sol. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle un doigt froid, c'est-à-dire un frigo. Et toute en chauffant, la vapeur d'eau se volatilise et va se condenser sur la paroi froide, c'est-à-dire sur le frigo. Et comme ça, vous arrivez à accumuler plein de glace. Et ensuite, vous vous débrouillez pour la glace, vous la transférez. Alors ça, c'est récupérer de l'eau à la surface de la Lune. Voilà. Mais notre problème, là, c'est les astéroïdes. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Ou c'est pas du tout. Parce qu'il faut savoir si économiquement, ça a du sens. Dans le cas de l'astéroïde, ce que vous avez sur la photo, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. L'idée, c'est plutôt d'aller récupérer non pas un astéroïde, mais un bloc sur un astéroïde. Parce que là, ce qu'on rocher. Voit, c'est on a carrément capturé un astéroïde. Hein. Ouais. Capturer l'astéroïde, ouais. Pour c'est des vues d'artistes. C'était l'idée, hein. Ouais. Des minières, des minéraux précieux, ouais. Des c'est choses plutôt comme les minéraux, ça. Et ouais. Ça, c'est un peu du fantasme. Mais on va peut-être pas se disperser. Alors, restons trop. Sur l'eau. Restons sur l'eau. L'idée, c'est qu'on va récupérer un rocher. Typiquement, un rocher qui fait 5-7 mètres de diamètre. Et on va le récupérer dans une grosse chaussette étanche. Et comme la gravité est faible, on va le prendre. Moi, je me souviens, j'avais fait un calcul sur 67P. Je pouvais tenir, moi, qui ne suis pas très costaud, un rocher de 10 mètres de diamètre, tel Atlas. Bravo. À cause de la gravité. Donc, on peut récupérer un objet de 10 mètres de diamètre, ça va peser 40 kilos. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On le met dans une grosse chaussette. Et là, on a tout un trajet qui est très long, qui va consister à aller à la Lune et à la Lunar Orbital Platform Gateway, qui est la fameuse station-service américaine. Et pendant ce trajet... On va avoir des grands panneaux solaires sur le vaisseau. On va pointer vers le soleil avec des miroirs à 45 degrés. Et on va envoyer dans la chaussette toute la chaleur. Et tout d'un coup, ça va être très chaud à l'intérieur. La flotte... Et en plus, on va le cruncher, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on va le broyer avec une espèce de chignol. Et donc, toute la flotte va se mettre en phase gazeuse. Et on va pomper. Et on va pomper tous les gaz. et on a une source froide, on va condenser les gaz et on va récupérer la flotte comme ça. Vous y croyez ? Et arriver, j'y crois au sens qu'il n'y a pas de point d'infaisabilité. C'est une mission qui va coûter 1 milliard. Ah non, non. Faisable. Mais la NASA est prête à payer. La NASA est prête à payer. Donc si elle paye... Il y a des missions qui coûtent 1 milliard sur le Mars ou Curiosity, ce genre de choses. Curiosity, c'est 2,5 milliards. Curiosity. Donc, et la LOPG... Le rover martien, voilà. Américain. La LOPG, c'est 30-40 milliards. Donc payer un milliard pour ça, si le système fonctionne, ça vaut la peine d'y aller. Et après, on a de l'eau parce qu'on a besoin d'eau pour le voyage. Et on a besoin d'eau parce qu'on va transformer l'eau en H2O, en H2 plus O2, qui sont des ergols, et on va alimenter des moteurs de fusées qui vont partir vers Mars. Ça ne va pas régler le problème de l'eau sur Mars, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera la prochaine fois. Mais sur Mars aussi, on va avoir besoin d'eau. Il va falloir la trouver sur place, ça c'est un autre sujet. Messieurs, mesdames, je dois vous faire une confidence. Je suis maintenant d'un âge très avancé. Et même si je suis encore un peu dans la danse, du plus vieil allemand, je suis bien plus âgé. Francis Rocard est donc pour moi vraiment très jeune. Lui-même aurait pu être grand-père d'Antonella Barucci. Et moi donc, qui suis vieux comme Mathusalem. Eh bien, je ne sais pas ce qu'est une météorite. Ah, tu vois. Non, non, c'est pas vrai. Rien n'est vrai. D'autres interventions, allez-y, hein, c'est le moment, on est en train de se quitter, je vous en prie. Oui, c'est pour avoir éventuellement un commentaire sur le titre de toucher les astéroïdes avant qu'ils nous arrivent sur la tête. Comment on fait ? Le système de veille, calculer la vitesse de quelque chose qui arrive tout droit sur nous, c'est pas facile. Un commentaire. Alors, si, c'est très facile. L'effet Doppler, ça marche très bien. Non, non, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend du délai que l'on a. Si le délai, c'est 100 jours... On est cuit. En gros, à part la bombe atomique, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, à part la bombe atomique ? Envoyer une bombe atomique ? Envoyer une bombe atomique pour la faire exploser à côté pour que l'onde de choc dévie l'astéroïde. Mais ça, c'est la solution de dernier recours. Si on n'a vraiment pas de délai. Si on a 10 ans de délai... On a des solutions beaucoup plus soft qui se présentent, qui sont possibles, notamment par des... Alors, notamment l'attracteur gravitationnel. C'est un schéma qui est... Alors, soit l'attracteur gravitationnel, soit l'impact. L'attracteur gravitationnel, c'est de faire comme Hayabusa 2. On se met à distance de l'astéroïde et on tombe dessus. Et pour éviter de tomber dessus, on va mettre un petit moteur électrique. Vous savez qu'on a des moteurs à propulsion ionique, faible poussée, qui compense exactement la chute. Action-réaction, si nous on tombe, ça veut dire que l'astéroïde est attiré par la sonde qui fait une tonne. Donc, en restant pendant des années et des années à une certaine distance très proche de l'astéroïde, on va le dévier. Attracteur gravitationnel. Mais il faut que ça dure très longtemps, plusieurs années. Mais l'avantage, c'est qu'on est à distance et donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de problème d'astéroïde qui tourne sur lui-même, etc. Il y a des idées farfelues qui consistent à le peindre. Enfin bon, ça, c'est un peu farfelu. Il y a une deuxième méthode qui est un peu plus violente, c'est l'impact. Donc un appareil d'une tonne qui se situe à quelques distances peut suffire, au bout de quelques années, évidemment, ouais, à dévier... En gros, tu viens de répéter ce que je viens de dire. Oui, d'accord. Ça sert à rien. Il faut bien... Excuse-moi, mais ça sert à rien. Alors, je peux ajouter des choses. C'est exactement ça. Oui, mais il faut se rendre compte quand même que c'est ça l'idée. Que c'est bien ça, parce que c'est pas... Après, il faut faire les calculs. Non, non, mais il faut faire les calculs. J'ai bien dit plusieurs années. Ça dépend de la masse de l'astéroïde, ça dépend de la masse de la sonde, ça dépend de la distance. Bon, en gros, c'est pas toujours possible. Après, vous avez l'impact. L'impact, c'est ce que... Il y a un projet américain qui s'appelle DART qui va partir en 2020, qui va impacter un tout petit astéroïde qui est lui-même une lune d'un autre astéroïde. Et pourquoi on prend une lune d'un astéroïde ? Parce que c'est plus facile de mesurer sa déviation quand c'est une lune. L'avantage, c'est que, par exemple, si la période a bougé, c'est plus facile à mesurer. Donc on va taper dans Didymoon, qui est la lune de Didymos, Didymoon faisant, je crois, 100 mètres à peu près. Et puis, on va regarder quel va être l'effet de cet impact. L'ESA veut contribuer à ce projet qui s'appelle l'ERA. Je voudrais ajouter quelque chose. On était financé par l'Europe sous un projet qui s'appelait NeoShield pendant 8 ans. C'était vraiment la protection de la Terre vers les astéroïdes qui peuvent tomber. Donc, il y a plusieurs problèmes. Un, c'est identifier tous les astéroïdes dangereux. Parce que, comme il disait Francis, si on connaît qu'un astéroïde peut tomber sur Terre en 2070, on peut se préparer. Donc, essayer de répertorier tous les astéroïdes dangereux. Jusqu'à maintenant, on connaît plus ou moins tous les astéroïdes qui font Joe Crozer, qui ont des orbites autour de la Terre, jusqu'à un kilomètre. Géocroiseur, ça veut dire dont la trajectoire coupe celle de la Terre. Hein. Oui, qui sont très proches de la Terre. Et donc, il y a toute une partie d'astéroïdes qui peut être dangereux. Mais il y en a aussi beaucoup qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas et qui peut avoir des collisions. Et par exemple, on peut avoir un astéroïde de 100 mètres, il pourrait détruire une ville comme Paris. C'est ou changer l'atmosphère et changer tous les climats et avoir la mort des dinosaures comme c'était dans les passés, etc. Donc cette étude qu'on a fait pour l'Europe, c'était d'abord essayer d'avoir toutes les techniques d'identification des astéroïdes. Après, c'est les classifier pour savoir, Marcello, si tu fais un bordel. Je suis un astéroïde. Et c'est les classifier compositionnellement, parce que c'est un astéroïde qui est de fer, il peut tomber et faire beaucoup plus de danger qu'un astéroïde très fragile qui se fragmente une fois qu'il rentre dans l'atmosphère. Et aussi, donc, voir les orbites, parce que si l'orbite est perpendiculaire, c'est beaucoup plus dangereux que si une orbite est transversale, parce que c'est moins... Non, mais j'ai dit, il y a plusieurs... Donc, il faut les classifier, il faut les connaître tous. Donc, il y avait ce projet de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et après aussi, si on a un astéroïde, on sait qui va tomber, parce qu'avec la dynamique, si on connaît vraiment les orbites très précisément, on peut faire des estimations avec une grande précision. Et dans ces cas-là, notre objectif, c'est d'avoir des missions prêtes pour éventuellement dévier un astéroïde avec toutes les techniques qu'a dit Francis, que ça peut être la bombe nucléaire dans les cas immédiats, mais aussi ça. Aujourd'hui, si on sait qu'il y a un astéroïde qui va tomber dans 3 mois, on n'a pas de technique. Même si on utilise une bombe nucléaire, on ne peut pas la lancer. On ne sait pas quoi faire. Qu'il faut pour ça, ouais. Donc, on n'a rien. Il y a une anecdote assez amusante. C'est que tous les 2 ans ou tous les ans, il y a des vraies simulations qui sont faites aux États-Unis sur un cas réel, enfin un cas supposé réel. Donc, la simulation, c'était, il y a tel objet qui a telle orbite qui va nous tomber dessus dans tant d'années. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on simule l'ONU qui se réunit, Conseil de sécurité qui prend des décisions, tout ça est simulé. Et ils prennent des décisions, ils agissent, ils envoient essentiellement des impacteurs. Et le résultat, c'est que New York est détruit. Échec. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas bien marché. Les impacteurs ont raté leur cible. Et donc, ils n'ont pas complètement dévié. Et alors qu'ils devaient tomber sur une région pas trop problématique, boum, c'est New York qui a été détruite. Et l'une des conclusions d'ailleurs de cette simulation, c'est qu'en dessous de 50 mètres, la seule chose à faire, c'est d'évacuer. 50 mètres de taille. C'est d'évacuer. C'est d'évacuer. Taille, hein. Oui. C'est d'évacuer. Hein. Ça veut dire qu'en dessous de 50 mètres, il ne faut pas essayer de... Enfin, dans la taille 50 mètres, on évacue. Finalement, c'est ce qui... Alors, c'est compliqué, parce que s'il faut évacuer Paris, vous imaginez le problème, quand même. Hein. Évacuer Paris, 2 millions de personnes, et tout le tralala, bon. Mais c'est... Dans cette étude, il fallait aussi voir quelle était la réaction des différentes nations dans les cas de danger. Et en réalité, à part les États-Unis, il n'y a pas de préparation dans les cas d'annonce. Si en Europe, on a un astéroïde qui va tomber sur Paris ou en France, on ne sait pas quoi faire. Donc, il y a des protections pour les tremblements de terre, il y a des protections pour les tsunamis, mais il n'y a pas de protection dans les cas d'un astéroïde. Et donc, c'était un peu le but des scientifiques qui travaillent sur les astéroïdes, d'essayer de sensibiliser dans les cas des dangers d'astéroïdes, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc, il y a les 30 juin, une journée qui maintenant était considérée journée internationale des astéroïdes, définie par l'ONU, donc les Nations Unies et tout, et c'est vraiment reconnu dans le monde entier, pour essayer de discuter et de faire d'avoir cette sensibilisation de la population, des instances nationales, gouvernementales, etc., d'intervenir, de préparer et donc sensibiliser aussi l'Europe, parce que les Américains sont assez sensibles sur ça. Voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça veut dire, si on a un danger qui est en Suède, en Suisse, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a l'Europe qui se prépare, il commence à étudier ces cas et se préparer aux différentes hypothèses. Mais il faut faire très attention, parce que si on envoie une collision et on n'est pas attentive, cette collision, ça peut être encore plus grave et c'est fragmenté sur une ville comme New York. Donc, ça peut être aussi très dangereux. Je vais dire quelque chose qui va être très incorrect, mais en gros, sur ce sujet, vous inquiétez pas, les États-Unis vont nous défendre. Voilà. Parce qu'ils vont faire le job. Au sens où, qui cartographie aujourd'hui les astéroïdes? Ce sont essentiellement les Américains. Atenella l'a dit rapidement, on a déjà cartographié tous les objets supérieurs à 1 km, on est à 98%. Aucun ne nous menace. Je vous rappelle que le météore cratère qui fait 1,2 km en Arizona, qui est le plus beau cratère, le plus jeune, si vous allez aux États-Unis, allez voir le cratère, c'est un objet de 50 mètres qui a fait ce cratère. Mais c'était un objet métallique, donc boum, ça a tapé très fort. Pareil, la Tunguska, qui est le phénomène en 1908, qui a été une explosion pendant la descente, c'est aussi un objet de la classe 30 mètres, mais il a explosé, il n'y a aucun cratère. Il y a des arbres couchés, vous connaissez l'histoire. Donc tout dépend si on a affaire à un métallique ou autre. Mais aujourd'hui, donc... 300-400 mètres, il pourrait être quand même très dangereux. Voilà. Donc, et le Congrès américain... Le Congrès américain a dit, c'est bien... Les objets d'un kilomètre, c'est bien, vous avez fait le boulot. Maintenant, vous, la NASA, vous allez me trouver tous les objets au-dessus de 140 mètres. Alors, pourquoi 140 mètres? Parce que c'est un chiffre qui est en pied. Alors voilà, ça doit faire 1000 pieds ou je ne sais pas quoi. Donc, et c'est en cours, il en manque beaucoup. Et là, on tombe sur un problème qui est que pour détecter des objets petits de inférieurs à 140 mètres, on ne les voit que quand ils sont très près. Donc on arrive à voir des objets, un objet de 50 mètres, on ne le verra que s'il est à quelques millions de kilomètres de la Terre. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire, de toute façon, il y aura les Américains. Si l'objet il tombe au Mexique ou en France, je ne sais pas si les Américains seront très intéressés avec Trump de sauver la France ou le Mexique, surtout. Il faut voir. Alors, c'est pas idiot ce qu'elle dit, Antonella. Eh oui, mais Barack Obama, mais on se poserait moins la question. Excusez-moi de répondre à cela. C'est qu'aujourd'hui, ça serait un cas idéal. On pourrait dire, excusez-nous, ça va tomber au Mexique. Donc tout le monde s'en fout. Les Français et les Américains. C'est encore très, très incorrect ce que je dis. Hein, mais il y a des gens qui pourraient penser ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sera jamais dans une configuration comme ça. Parce que l'ellipse d'erreur va être très grande. Et aujourd'hui, on parle de probabilité d'impact de la Terre. On n'en est pas à dire où il va taper. On en est à dire qu'il y a une chance sur 1000 qui tape la Terre. Donc vous voyez que... Et on ne saura précisément où il tombe tellement tard qu'on ne pourra rien faire. Donc, ça veut dire que les orbites, on les connaît avec une très grande précision, mais il faut beaucoup d'années d'observation pour définir l'orbite. Donc on connaît très bien avec les lois de Kepler, l'orbite, ça peut être d'une précision incroyable. Mais si un objet est découvert aujourd'hui, et il va tomber dans 3 mois ou une année ou 2 ans, on n'a pas le temps de définir l'orbite avec une très grande précision. C'est ça le problème. Il faut le micro. Un bar des sciences où on parlait de ça, et il y a un des intervenants dont le neveu avait déjà imaginé qu'il allait être peintre d'astéroïdes. Oui, c'est-à-dire qu'il était déjà, voilà, c'était sa volonté, il faisait des études pour ça, et ça avait l'air très sérieux, c'est il y a 4-5 ans. Vous dites que c'est, enfin, l'histoire de l'albédo, de changer, je peins de la moitié de l'astéroïde pour qu'on dévie avec son albédo. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky, ou dans sa version évoluée, l'effet YORP, le Y étant toujours Yarkovsky, mais il y a YORP qui sont 4 scientifiques. C'est tous les effets d'albédo. En gros, le principe fondamental, c'est que la lumière chauffe l'astéroïde. Mais un astéroïde, comme tout objet, ça tourne sur soi-même. Donc la partie chaude se met à tourner. Et cette partie chaude, tout en tournant, se refroidit. Donc elle va rayonner avec un certain angle qui est fonction de sa vitesse de rotation et fonction de son état de surface, de beaucoup de choses. Et donc, par rapport aux lois de Kepler, où toutes les forces sont venant du Soleil, ça, c'est une force qui est non gravitationnelle, qui va dévier par rapport aux lois de Kepler. C'est ça l'effet Yorp. Donc, si on se décale, on a une incertitude, on ne sait plus très bien calculer une orbite avec 100 ou 1000 ans à l'avance. Faire la peinture sur un astéroïde, d'un côté de l'astéroïde, pour après faire les calculs et les changer. Mais c'est de la science-fiction. Là. Oui, parce que pour modifier l'effet Yorp, on le peint sur une moitié. Voilà. Mais si, si. Alors, les calculs montrent que ça a du sens. Mais vous arrivez avec votre bombe à peinture. Enfin bon, ça, on n'imagine pas bien. En plus, une peinture sous vide, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Enfin, bon. La peinture sur les cailloux. C'est pas très sérieux. Sur les cailloux qui bougent, en plus. Voilà, le caillou on qui arrive bouge. À la fin de notre débat. Alors, si encore une ou deux interventions, c'est possible. Il y a monsieur, là. On vous écoute, monsieur. Merci. Dans le cas de la bombe, j'imagine qu'elle devrait exploser à une distance assez, assez loin dans l'espace. On est dans le vide. Alors, comment une bombe a-t-elle un effet dans le vide? Vous savez, les supernovas, c'est une étoile qui explose. Donc, il y a une onde de choc. Et la bombe atomique, ça sera pareil. Il y a une onde de choc. Et cette onde de choc va se propager dans le vide et va impacter l'objet et va le déplacer. Mais là, ça arrête mon explication parce que moi non plus, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Mais onde de choc dans on le me vide. Dit que ça pousse l'objet et ça le déplace. On va terminer peut-être en regardant deux missions d'avenir qui sont à la fin. Là, vous les voyez, page 15. Alors, c'est la NASA hein, qu'on montre ici. C'est Lucie et Psyché. C'est dans pas longtemps, ça, Antonella. Oui, c'est une mission qui va aller vers... Deux missions différentes, hein. Ouais. Alors, Lucie, c'est une mission qui va vers les astéroïdes troyens. Donc, les astéroïdes troyens sont les astéroïdes qui sont sous les points Lagrangeat de Jupiter. Ils sont sur l'orbite de Jupiter. Ouais. On n'en a pas encore parlé de cela. Non. Et donc, ils sont formés des glaces. Donc là, on revient. Ils sont des comètes. Le plus important, c'est que les astéroïdes troyens sont des objets Kuiper capturés. Donc, on ils a sont la source des comètes. À des donc, objets sont... Kuiper... En allant juste oui, mais à 5 des astéroïdes. Au lieu sont... d'aller à 50, c'est quand même malin. Donc d'aller voir voilà, il y a cette mission qui va faire la classification. Il va essayer de visiter plusieurs astéroïdes appelés troyens, qui sont autour de côté de Jupiter. Et après, il y a la mission PSIC qui va vers un astéroïde de type M métallique. Donc jusqu'à maintenant, on n'a jamais visité. Et donc c'est encore la NASA, parce que la NASA, il a plein de missions vers les petits corps. Il y en a des projets, et, bah, pas l'Europe, mais, hélas. Non, mais ça, c'est une vieille rancœur qui sort avec Antonella. Mais Psyché, c'est intéressant parce que c'est un astéroïde métallique. Or, il y a beaucoup de gens, des startups américaines surtout, qui rêvent d'exploiter les ressources minières de ces astéroïdes et qui restent de faire du business cette fois. Hormis le fait que, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de météorites métalliques dans nos collections, 40 000 météorites, que ces météorites métalliques sont, je simplifie, 80% de fer, 20% de nickel et 1% de pouillem, c'est-à-dire un peu de cobalt, un peu de platine, un peu de choses comme ça. Donc, pas, c'est, sur le plan du business plan, c'est pas très bon. Vous n'allez pas rapporter du fer ou du nickel pour le vendre, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait rapporter des terres rares ou rapporter de la famille du platine. Là, vous avez l'espoir d'avoir un business plan qui tient la route. Donc, toutes ces startups qui espèrent exploiter les ressources minières des astéroïdes rêvent du... C'est comme l'auto, quoi. Ils rêvent de trouver l'astéroïde miraculeux. Ils ne l'ont toujours pas trouvé. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il y en a 800 000. Il n'y a pas des études qui permettent de les trouver. Parce qu'en réalité, il faudrait faire des études beaucoup plus détaillées. Alors, on quand peut tu pas dis études, déduire, je ne sais pas très bien ce que tu veux dire. Mais on a 800 000 astéroïdes. On peut pas savoir. On a des malheureux petits specs de rien du tout qui ne nous donnent pas rien, beaucoup d'informations. Sauf de dire qu'ils sont métalliques peut-être. Voilà, et, mais pas plus d'informations. Mais pas plus. Donc la mission Psyché va voir l'éponyme Psyché, c'est-à-dire un astéroïde du même nom. Pour voir ce qu'est un astéroïde métallique de près. Peut-être qu'on va être très surpris que ça ne va pas du tout ressembler à un bloc de métal, ça va être autre chose. Et j'espère qu'on va pouvoir en déduire des problèmes de composition. Sans doute, c'est du métal, mais ça, on ne sait pas quel type de métal ça aura. C'est ça. Ben, on le sait. Dans les météorites métalliques, c'est 80% de fer, 20% de nickel. Oui, ça, oui, on le sait. Maintenant, celui-là, on ne sait pas exactement quelle est sa composition. Mais de là à penser qu'on va exploiter ce genre d'objet, j'en doute beaucoup. On ne vous réconciliera pas complètement ce soir. Ouais, j'ai bien vu, je n'étais pas fâché. Ce sont des débats scientifiques, oui, absolument. Mais c'est vrai qu'avec ces astéroïdes, on est en plein débat. Je mets débat avec un S. Avant qu'on vienne à ces considérations-là, je voudrais vous signaler qu'on se retrouve le mois prochain, ce sera le 19 juin, pour parler de Taranis. Paul, oui, il y a quand même une info. En fait, on est jumeaux. C'est quoi cette histoire? On est nés le même jour. On est le même jour, la même année. Vous vous en rendez compte à l'instant même, là? Oui. C'est pour ça que vous vous aimez tant. Voilà. Bien sûr. Alors, on se donne rendez-vous le 19 juin, 18 juin, merci beaucoup. Ce sera un mardi soir, bien sûr, et on parlera de Taranis. Et Taranis, c'est une extraordinaire mission qui va, pour la première fois, s'intéresser aux sprites, aux elfes. Alors, qu'est-ce que c'est que les sprites? Qu'est-ce que c'est que les elfes? Ce sont des phénomènes qui ont lieu au-dessus des orages, au-dessus des nuages d'orage, qu'on n'avait jamais vu depuis le sol, évidemment, mais qu'on a vu depuis l'espace. On s'est rendu compte depuis l'espace qu'il se produisait dans les nuages d'orage des phénomènes qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et grâce à Taranis, on va comprendre ces phénomènes tout à fait étonnants. Et donc, on va parler de Taranis le mois prochain. Oui, donc effectivement, avec ces astéroïdes, on est en plein débat avec un S, vous avez compris, on se demande d'où vient l'eau qui se trouve sur Terre, est-ce que c'est des comètes, est-ce que c'est des astéroïdes, est-ce que c'est des deux? Débat aussi de connaissances, est-ce que, jusqu'à quel point est-ce que les comètes et les astéroïdes sont vraiment différents les uns des autres? Autre débat, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit craindre ce qui peut nous tomber sur la tête? Là, on a été plutôt rassurant, hein, puisque apparemment, on connaît quand même les plus gros astéroïdes, les plus gros corps qui pourraient tomber sur Terre. Et puis, débat absolument essentiel, fondamental pour nous, pour répondre à la question d'où venons-nous, tout simplement, est-ce que ce ne serait pas intéressant de continuer cette exploration, cette recherche sur ces astéroïdes pour essayer de comprendre comment le système solaire est né? Eh bien oui, évidemment, ça donnerait des informations sur la manière dont nous aussi, nous au sens large, on est apparu, nous la Terre, nous les humains, nous la vie, etc. Ce soir, pour nous entraîner, pour répondre à toutes ces questions, on avait deux personnalités que je vous demande de remercier très très très chaleureusement. C'est Antonella Barucci et Francis Roca. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.